Salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery, l'émission qui vous parle de comics. Donc, je refais mon intro puisqu'on l'avait fait une fois et en fait on a fait 2 heures sur les news de la Comic Con et les news Star Wars. Donc les reviews vont darker, on va les garder pour une prochaine fois, on va les faire en vidéo, ce sera plus simple. Donc, je refais mon petit tour de table pour vous présenter tout le monde. On a 2 petits nouveaux durant ce nouveau podcast. Alors c'est quelqu'un qui fait pas vraiment partie de l'équipe mais qui me donne un coup de main sur celle-ci, parce que moi je trouve c'est important qu'on ait des filles quand même dans un podcast sur le comics. Il faut que les filles soient représentées, c'est important. Donc Faye est venue nous donner un coup de main. Oui, bonsoir, ça va? Et ouais. Tu veux nous parler des news de Star Wars? Ouais, quelques petites news qu'on a eues pendant la célébration. Voilà. Cool. Ouais. Je crois qu'on a des gens en beau et à côté. Mais c'est pas grave, on les entendra pas normalement si tout se passe bien, ou on les entendra quand fond, ça devrait passer. Et on a une autre personne qui rejoint l'équipe. Mais salut à toi Mathieu, ça va Mathieu? Oui, ça va bien, salut à tous. Et n'accuse pas les news de Star Wars, c'est pas ça qui a pris tout le temps. C'est Warner. Voilà, oui, ouais, on se demande pourquoi d'ailleurs. C'est pas grave. De toute façon, nous savons que Warner c'est cool. Enfin, vous le verrez. Je pense que j'ai assez, pendant toute l'émission, lancé tout mon amour à la firme OW. N'est-ce pas, Thomas? Exactement. Donc moi, je suis Thomas. Du Geek Chic. Du Geek Chic. Merci. Cool. J'ai déjà participé à la première émission. Voilà. Donc Ruby ne pouvait pas venir aujourd'hui, puisque Ruby est en vacances. C'est pour ça que je fais des vidéos solo en ce moment. Et qu'il n'y en a pas beaucoup qui sortent, parce que j'ai eu des problèmes de connexion. Mais en tout cas, voilà, je vais être là pour débattre sur Star Wars et avec James, comme d'habitude, sur BVS. Salut Tom, Gilles. Qui était alors, durant tout le podcast, je serai le petit Gilles, Tom, et des fois Thomas, mais voilà. Bonsoir à tous, ça va, bonjour. Ça va, Thomas? Tom. ça continue, il est tard, hein. Ça va. On va en faire un petit coup à Ruby et qui est en vacances. Et Maxime. Joyeux anniversaire, Maxime. Joyeux anniversaire, Maxime. Et je vais réitérer ma demande que j'avais fait dans la première intro. J'ai envie que tout son mur Twitter soit rempli de Damian Wayne, parce que Damian Wayne est son personnage préféré de tous les temps. Et ce qui n'est pas vrai, hein, faut être d'accord, mais ça va le faire rager. Donc je disais quoi? Ah oui, je disais que je veux que tout le mur Twitter de Maxime soit rempli de Damian Wayne. Donc allez sur Twitter, Darklysil, et vous verrez, ce sera magique. Ce sera beau. Et surtout, il faut remercier la Game Taverne de nous avoir accueillis. Merci la Game Taverne de nous accueillir, c'est vraiment cool. est-ce que quelqu'un connaît l'adresse? Non, je n'ai pas l'adresse en tête. C'est, voilà. Allez sur Facebook, Game Taverne. La Game Taverne, vous pouvez aller boire un coup et jouer à des jeux, c'est génial. Ouais, c'est cool. Exactement. Donc merci à la Game Taverne de nous avoir accueillis. Et on vous lance par rapport à. On vous lance sur le. On commence par les news. On va commencer sur les news, ouais. Donc je vais couper à ce moment-là. Vous allez repartir. Mathieu, tu l'as présenté. Si, je l'ai présenté, oui. Mathieu. Tu as dû t'entendre pendant 30 secondes, ce n'est pas grave. Donc nous allons faire un retour dans le temps. Et vous allez Marty. On va commencer les news. De mon cinéma. Et on va parler de cinéma encore. En même temps, je l'ai dit, c'est vraiment beaucoup de news. Entouré autour du cinéma. Et on va parler de Barbara Gordon. Tout le monde connaît Barbara Gordon quand même. Je vois pas du tout qui c'est, non? C'est la fille du commissaire Gordon. Ah, merci. Donc, avant de voir le générique de la version Ultimate de Batman vs Superman, il y a beaucoup de gens qui pensaient que c'était Jenna Malone qui incarnait Barbara Gordon, qui avait été coupée au montage de la version cinéma. Et en fait, on a appris que bah non, c'est Jenna Malone, c'était un autre personnage, hein, une scientifique de Star-Lord. Ça aurait fait beaucoup quand même de voir Batgirl et... Bah, c'était un petit... ça aurait été un petit... Ça aurait fait beaucoup. De toute façon, on n'est pas d'accord sur Batman vs Superman. on a parlé de lui, c'est le meilleur film de l'année. et en fait, il y avait... donc, on a vu que Jenna Malone... Je me permets de t'arrêter, le meilleur film de l'année, c'est Rogue One. Oui, il est pas sorti. Mais je le sais déjà. Ouais, je confirme aussi, ouais, c'est même pas la peine de discuter. Quoi. Voilà. Bon, avec des arguments comme ça, je peux pas... Je ne dirais pas quel est mon film préféré de l'année. C'est Camping 3, en fait. Celui de mon deuxième. Ah, c'est ton deuxième, putain. Oh, non, mais Indépendance des deux. Il y a Les Visiteurs aussi. Oh, j'ai pas eu le courage de le voir. Et Brise de Nice qui sort bientôt. Oh, putain. Oh, non. Donc, j'étais en train de dire que sinon, ce n'est pas Jenna Malone, mais il y avait une mention à Barbara Gordon dans le film BVS, puisque quand à un moment quand Bruce Wayne est sur son bat ordinateur, il y avait. C'est pas Bruce Wayne, c'est Alfred qui est sur le bat ordinateur. T'es sûr? Parce que moi, sur la photo que j'ai, il y a. C'est. Moi, j'ai regardé spécialement pour ça et c'est Alfred qui est sur le bat. C'est Alfred, ok. Il doit être à côté, hein, Bruce. C'est toi la caution cinéma, on va te faire confiance. Donc, en fait, c'est marqué, il y a une mention à Oracle Network. Donc, peut-être que Barbara Gordon sera Oracle dans cet univers. Donc, Oracle, pour les gens qui ne savent pas, c'est pas du spoil, puisque Killing Joke, c'était il y a quand même un moment. C'est après Killing Joke, quand elle s'est fait tirer dessus, elle était paraplégique. Donc, elle est devenue une espèce de conseillère de renseignement pour... En fait, vous voyez, Arrow Felicity, quand elle est en fauteuil roulant, c'est la même chose, mais en mieux. Voilà. Ouais, c'est la même chose, mais elle touche à une souris. Pour résumer, quoi. Donc, voilà. Donc, et en fait, il y avait Batgirl. Batgirl est annoncée dans le film Harley Quinn. Donc, est-ce que ce sera... Il y aura un film Harley Quinn. Pour l'instant, ça reste des rumeurs, pour l'instant. Hein. Ah, c'est des rumeurs, ok. C'est pas officiel. Donc, la question cinéma nous a dit que c'était des rumeurs. Oui, bah prends le micro, lui dire. Excusez-moi, mais quel est l'intérêt de faire un film Harley Quinn, quoi? Enfin, est-ce qu'il y a vraiment des histoires intéressantes sur elle? C'est pour avoir Margot Robbie en mini short et faire du pognon, non? Ah, donc c'est pour les pervers, en fait. Une autre petite news, ça va t'intéresser, Mathieu. En fait, il y a eu des retouches sur le film Suicide Squad, et en fait, les retouches sont très spécifiques, et en fait, ils ont raccourci numériquement le short d'Harley Quinn. Ah, voilà, enfin, on parle, parce que dans le premier trailer, c'était insupportable. On n'en voyait pas assez. Non, c'était pas raccord du tout. C'était pas fidèle au personnage, quoi. C'est très très important, ça a pas dû coûter de l'argent en plus, ce truc-là. J'espère qu'il y aura un director's cut avec encore un centimètre de moins. Est-ce que t'as quelque chose à dire dessus, Faye, peut-être? Alors. Oui, non, mais c'est honteux. C'est honteux parce que à croire que les femmes, on peut rien faire si on n'est pas jolie. Exactement. Et puis surtout, ce que ça traduit, c'est le fait que, comment il s'appelle déjà, Warner, ils ont les boules, les gars. Ils ont peur de leur film, du coup. Ils font des conneries. Un trailer tous les jours, un short qui raccourcit. Hein. Attends, les trailers sur les films Marvel, c'est pareil. Hein. Et chez les mecs, est-ce qu'ils ont raccourci des trucs? Ils survendent, j'ai l'impression qu'il y en a un par jour. Ils ont l'impression qu'ils parient un peu leurs 5 prochaines années là-dessus. Quoi. J'ai une question. Mais le dernier trailer, ils étaient à la Comic-Con, c'était normal qu'ils passent une bande-annonce. Enfin. Mais remets-tu le qu'on a vu, ils venaient faire coucou. Oui, non, mais là, ça raccourcit des shorts et tout, mais à l'époque, quand même, je sais pas si vous vous rappelez, à l'époque où le film très très nul, Superman. Return est sorti, le zizi de Superman avait été retréci numériquement parce qu'il y avait des cathos qui avaient tapé un scandale que soi-disant c'était choquant pour la jeunesse. Et c'était une info qui m'a marqué parce qu'elle m'avait fait beaucoup rire. Donc, alors là, peut-être que le short était trop long, c'était choquant pour la jeunesse, je ne sais pas. Bah, juste, c'était choquant. Est-ce que ce sera Barbara Gordon, la bad girl du film Harley Quinn? Ou ce sera Cassandra Cain, ou je ne sais plus qui c'est qui a eu le costume déjà. Je ne sais pas. Bon, c'est pas grave. Ce sera un autre personnage, ou ce sera Barbara Gordon? Il faut attendre la sortie de Suicide Squad avant de savoir s'ils annoncent vraiment ou pas. Est-ce qu'il y aura Gordon au moins? Ah, si tu veux, oui. Oui, parce que c'est. Merde, comment il s'appelle? C'est ouais, l'acteur qui jouait. C'est celui qui jouait. J.K. Simpson. J.J. Jameson de Peter Parker dans. Pour moi, c'est le patron de Spider-Man. Oui, qu'est-ce qu'il va foutre là, quoi? Mais en plus, il a fait de la musique. Non, je sais pas si c'est pour ça, mais il a fait de la musique. Ouais, c'est bon, je m'en rappelle. Ça me revient. Enfin bon, on va passer à une autre news. Une autre news encore cinéma sur. En fait, au début, je me suis dit que je vais mettre tous mes trucs Warner à la fin, mais en fait, je n'en ai parlé au début. C'est pas grave. Je me perds dans les trucs. Donc, c'est une news autour du film de Ben Affleck, Batman, qui aurait peut-être trouvé son décor. Parce qu'il y a des grosses rumeurs comme quoi le film centré sur le Captain Crusader aurait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup, mais beaucoup de vilains. Et selon certaines rumeurs, qui ont l'air d'être approuvées par je crois que c'est Jeff Jones qui en a parlé. Donc Jeff Jones, un grand scénariste chez DC qui a fait beaucoup de Justice League aussi, sur les New 52. Oui, puis qui maintenant travaille un peu comme Kevin Feige chez Marvel sur les adaptations ciné. Quoi. Il a un grand, grand rôle dans les... Donc en général, c'est quand même solide quand il dit un truc. Et donc, a priori, le film Batman se passerait dans l'asile d'Arkham. Ça serait un bon kiff. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée. Comme je le disais hors podcast, ça serait cool qu'il s'inspire du comics de Grant Morrison, Arkham, justement. Mais apparemment, c'est vraiment... ils ont dit que le film se baserait pas du tout sur, sur un run que ce serait. Ouais, ce serait vraiment un truc inédit, ouais. Moi aussi, j'ai lu ça. C'est dommage. Il peut faire quelque chose de bien en étant inédit, hein, c'est pas parce que. Mais ça me rappelle le scénar un peu du jeu vidéo, là, qui était. Bah, qui était... Ouais, pareil, ils vont pas du tout s'inspirer d'Arkham Asylum. Mais est-ce que trop, c'est pas justement trop, quoi? Parce qu'au bout d'un moment, il faut les gérer, ces persos. Après, oui, Ben Affleck. Ouais. Je sais pas, moi j'aurais voulu. Alors, un ennemi qui change Joker, parce que c'est bon, Batman contre le Joker, on l'a vu un trilliard de fois. Mais un autre ennemi bien sympathique, je sais pas. Tu vois, même ressortir l'épouvantail, par exemple, dans Batman Begins, j'étais super contente d'avoir l'épouvantail. Ouais, en plus, il est bien. L'acteur était vraiment bien, ouais. Donc, tu vois, on peut trouver, il y a beaucoup, beaucoup d'ennemis intéressants. Oui, oui, donc, c'est vraiment celui. Moi, j'ai envie de voir l'homme mystère. Oui, enfin. L'homme question. Moi, je veux voir l'homme question avec Jim Carrey. On se venge. Bah, ça ferait, du coup, ça ferait un peu comme le jeu vidéo. C'était exactement ça, je crois. Dans le jeu vidéo, c'était l'homme mystère qui avait pris l'homme question, qui avait pris l'homme question. Ouais. L'homme qui pose des questions. C'est le Sphinx aussi, ouais. Il y a 12 noms, c'est l'enfer. C'est Thomas qui s'est trompé la dernière fois qu'il l'appelait comme ça, et ça nous a fait rire. Mais j'ai peur que ça fasse un peu redite avec Suicide Squad, justement, où déjà t'as une belle batterie de méchants, t'as le Joker dedans. Bon, après, Batman il a de la ressource, hein, des méchants il en a encore un paquet. T'as Hugo Strange, mais du coup ça ferait un peu Gotham. Il y a moyen. Par contre, depuis Batman vs Superman, avec ce Ben Affleck complètement dépressif, paramilitarisé à mort, je suis super curieux. Ouais. Je l'ai vraiment trouvé. D'après de ce que j'ai vu de la bonne annonce de Justice League, on en parlera après. Ouais. Okay. Mais il a l'air de changer de direction un peu quand même, Batman. Après, enfin, on s'en fiche qu'il y ait plein de méchants parce que. Enfin, il est là depuis longtemps, Batman, donc il n'y a pas besoin de faire tout le de chaque personnage. Il peut le croiser, le battre. Et... Est-ce que, à votre avis, parce qu'on en parlait avec Maxime la dernière fois sur Facebook, et est-ce qu'à votre avis, Batman, avant de voir Man of Steel, enfin de voir les événements de Man of Steel, est-ce qu'il a déjà croisé des méta-humains? Parce que j'ai eu l'impression en regardant BVS qu'en voyant Superman, c'était la première fois qu'il voyait un méta-humain. J'ai pas l'impression, non. J'ai l'impression qu'il soit il se rodait, soit il était dans un certain quartier de Gotham, genre les bas-fonds ou un truc comme ça, il nettoyait un peu à la base, mais ouais, je pense pas non plus. Mais c'est... Bah, a priori, ouais. Vu Suicide Squad, ils sont tous en tôle, hein, déjà. Des Batman qui sont... qui restent des... Enfin, c'est des méchants, des mecs super dangereux, mais c'est pas des méta-humains, ça reste des gens normaux. Oui, par contre, après, juste, je viens d'y penser, la question, c'est, on verra dans Suicide Squad, c'est une explication, mais oui, on part avec un gros paquet de méchants qui sont déjà en prison, qui c'est qui les a mis, quoi. Ouais, mais surtout qu'à la fin de Justice League, il se prépare déjà une grosse menace, donc ça se voit qu'il a déjà eu... Ouais, de Batman. Mais aussi dans la... C'est vrai qu'il est déjà préparé de... Dans la BA de Suicide Squad, le personnage, là... Ouais, mais dans la première BA qui est sortie de Suicide Squad, elle a dit Superman les a fait sortir de leur terre, de leur nid. De leur nid, elle a dit ça, des méta-humains. Donc, ouais. Donc c'est, en fait, c'est la menace de Kate Superman qui a... Ouais, parce que c'est dit dans la... Parce qu'en fait, dans Batman, il y a quand même des gens, ils ont un peu des pouvoirs. Enfin, après, ça dépend dans quel univers tu te... Genre, Maxime me disait, regarde Freeze, il n'y aura pas Freeze, du coup. Mais ouais. Freeze, tu peux faire la même chose que Captain Cold. Captain Cold, c'est pas un méta-humain, il a juste un gun. Il a juste un gun. Oui. Tu mais peux faire la même chose avec Freeze, contre... au final. Prends le micro. Pardon, oui, c'est juste un peu plus. Freeze, il est décédé, il est mort vivant, plus ou moins. Plus, oui, mais tu peux faire la même chose que Captain. Enfin, tu peux. Captain, entre guillemets, bon, c'est un peu. C'est bizarre ce que j'ai raconté. C'est un peu plus crédible Captain Cold, on va dire, avec son fusil, on va dire que la technologie existe. Là, le type, oui, il a une armure, il est cryogénisé complètement, mais vivant. C'est un niveau au-dessus, quoi. Mais oui, c'est pas du super pouvoir comme on l'entend habituellement. Quoi. Et par contre, juste pour réagir. C'est que Ben Affleck, enfin Batman, excusez-moi. En fait, Batman, quand il voit Superman, il prend conscience à quel point cette menace peut être dangereuse, parce que le gars, il peut décider comme ça un matin, genre, oh putain, mon voisin Miguel m'a fait chier, je vais faire sauter la terre, tu vois. Et du coup, de voir ça, ça lui a fait peur, et donc du coup, il a commencé à se dire, ok, il faut se préparer au fait que quelqu'un va être ingérable. Et dans l'abondance de Suicide Squad, on voit la merveilleuse, la magnifique Viola Davis, qui dit, ouais, si Superman un jour il décide de tous nous faire péter la gueule, et qu'est-ce qu'on fait que... Et voilà, et c'est le même discours, et c'est ça qui est intéressant. Et par contre, pour revenir à ce que vous disiez vite fait sur la bande-annonce de Justice League et le changement de direction, non, mais juste vite fait, c'est que là, en fait, c'est pas la même chose, parce que le mec, à la fin de Batman vs Superman, il retrouve un espèce d'espoir parce qu'il se dit, ok, c'est comme les humains, il y a des gens cons, il y a des gens pas cons, mais nous, les pas cons, on va s'unir pour traquer les cons. Quoi. Ils ont tous l'air étonnés de voir quand même des méta-humains. Quand ils regardent les vidéos de surveillance, que ce soit lui ou Wonder Woman, ils ont l'air étonnés de voir un mec qui court vite. C'est ce que je disais aussi à je dis à Maxime, à mon avis, Wonder Woman, bon, on va parler après du trailer, mais à mon avis, pendant la Première Guerre mondiale, c'est pas que des Allemands qu'elle va frapper. Oui, ouais. Elle va croiser des... Ou alors elle va faire Captain America, elle va foutre une baston à Hitler et puis voilà. Je pense c'est dans la Première Guerre mondiale. Ah, et dans la première ? Bah tant pis, elle ira voir le fils, elle ira voir les parents d'Hitler pour les buter avant que Hitler ait gagné. Je pense qu'il y a une raison beaucoup plus rat-terre, c'est qu'ils ont sorti Man of Steel pour faire comme Marvel et lancer le gros truc en pensant que ça allait marcher. Ça a marché, ils ont lancé leur DC Universe et puis maintenant ils raccrochent un peu comme ils peuvent et puis tu fais un peu comme tu peux quoi. Moi j'ai un peu l'impression, le gros défaut que je trouve avec la Warner, c'est qu'ils se précipitent trop vite à vouloir. Par exemple, on a eu deux bandes annonces. Avec Wonder Woman dans les deux bandes annonces, on voit qu'ils veulent tout installer et ils prennent pas assez leur temps à mon avis. Et c'est l'un des défauts aussi dans BVS, je trouve qu'ils veulent trop installer les bases trop vite. Je me disais, il n'y aura pas Maxime dans ce podcast. Maintenant, il faut qu'il les reprenne. On va passer à une autre news parce que ça fait un moment qu'on est dessus. On a 20 minutes déjà sur. J'ai fait que une news alors que j'ai 3 pages de news. On va passer vite fait à celle-là. Est-ce que tout le monde connaît Brian Lee O'Malley ? Non. Non, moi je connais pas cette fois. Je connais pas Brian Lee O'Malley, c'est le créateur de Scott Pilgrim vs. The World. Ah, ok, ouais. On avait parlé tout à l'heure. Et il a annoncé qu'il sortirait son prochain comics, qui s'appellerait Worse World, qui parlerait d'un jeune couple qui vit dans le milieu de la musique à Los Angeles et qui va sortir en 2018 chez Ballantine. C'est le premier titre d'une trilogie. Donc ça peut être intéressant parce que. J'ai jamais lu Scott Pilgrim, mais. C'est vraiment. Bon, en tout cas, j'avais bien aimé le film, quoi. Est-ce que vous avez lu Mathieu, est-ce que t'as lu Scott Pilgrim ? Non, et puis Ballantine, c'est du whisky. Après. Non, mais par ça contre, on vient de dire avec Tom, oui, le mec, il prévoit 2 ans à l'avance. Il est. Il sort de lui, quoi. En fait, c'est des gros trucs de 300 pages qui sortent à chaque fois. C'est pas des petits. Mais c'est lui qui dessine aussi, non ? Ouais, il dessine et il écrit. Tom. Est-ce que t'as lu. Ouais, après le film. En ayant vu le film, ça m'a donné envie de les lire. Mais c'est cool, ouais. Après, je vois pas du tout, comme il dit, 2 ans à l'avance. Enfin, c'est un peu. Et parce qu'il fait un truc de 300 pages. Ouais, mais enfin, même. Enfin, c'est comme regarde les franco-belges, elles sont annoncées. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. C'est pas la même façon de sortir. Donc, on va passer à une autre news. Donc, est-ce que vous connaissez Captain America ? Non. Alors, on sait tous, via les films, on a répété 50 millions de fois que Captain America venait de Brooklyn. Et en fait, la mairie de Brooklyn vient de s'acheter une statue. Ah oui, j'ai vu, ouais. De Captain America, qui a été annoncée. Enfin, on a vu la statue, elle était à la San Diego Comic Con. Mais donc, si c'est Captain America, ça va pas trop le faire. Non, mais non, c'est un autre. Excuse-moi, à Brooklyn, on a pas mis une statue de Tony Danza. Non, c'est quoi ce bordel ? C'est quoi ce bordel ? Non, je suis pas d'accord là. Je suis pas d'accord. Juste pas à Brooklyn, il y a une statue de Rocky aussi ? Si. Elle a pas été déplacée. C'est Captain America. Rocky 7, Captain America versus Rocky. On va passer à autre chose, un truc un peu plus conséquent. Est-ce que vous connaissez. Je vais pas le faire le poil, je pense que ça va être. Encore. Est-ce que vous connaissez une maison d'édition qui s'appelle Marvel ? Non, c'est pas ça. Je crois qu'ils font des dessins. Non. Non, vous connaissez pas. Non, là je connais pas. Est-ce que tu connais au moins monsieur Eisner ? Eisner, je sais pas comment on dit. Oui. C'est monsieur qui a créé Spirit. Et en fait, Eisner Award, c'est un peu les Oscars, mais pour les comics. Et en fait, j'ai palmarès. Le palmarès qui a été annoncé pendant encore et toujours le San Diego Comic Con. C'est pas comme si c'était le week-end dernier et que c'est pour ça que toutes mes news sont tirées là-dessus. Donc je vais vous passer vite fait sur les histoires. Vous me dites si vous les avez lues, peut-être plus Mathieu, parce qu'il y a un peu plus de VO. Donc la meilleure histoire courte, c'était Killing and Dying de Adrian Tomein. Non, désolé. Personne ne l'a eu. Okay. Le meilleur single, c'était Silver Surfer 11 de Dan Slott et de Mike Allred. Pas lu, mais je veux bien le croire, j'ai entendu. Le Marlowe de Dan Slott. Oui, c'est vrai. Qui est assez barré et assez spécial. Oui, ça a l'air sympa. Ouais. Mais Dan Slott, il arrête sur Spider-Man, du coup. Oui, du coup, tu me piques mes news, en fait. Excuse-moi. On en avait déjà parlé dans l'émission dernière, non ? Oui, je crois, oui. Mais non, mais je viens de deviner, en fait. Là. Tu m'as dit, il est sur Silver Surfer. C'est un jeune. On est obligé de le dire toutes les demi-heures. Alors, la meilleure série en cours, c'est Southern Bastard. Ah, Jason Aaron. Et Jason Latour. Ça, j'ai lu. Ouais. C'est bien. Alors j'ai lu les deux premiers TPB, j'attendais beaucoup parce que après Scalps, notamment de Jason Aaron, le premier tome avait laissé un petit peu circonspect. Donc c'est l'histoire d'un homme d'une quarantaine, cinquantaine d'années qui revient dans son village du sud de l'Amérique. Comme Scalps, donc, en fait. Ouais, voilà. Enfin, c'est là pour le coup, c'est beaucoup moins indien et beaucoup plus sud-américain, voilà, White Power et compagnie. Je vous laisse voilà avec le drapeau sud, voilà, je vous laisse voir l'image. Quoi. Et du coup, il a énormément de problèmes en interne parce qu'il y a pas mal de dossiers en cours qu'il a laissé à ce moment-là, et il y a tout son passé qu'il a rattrapé et compagnie. Le premier m'avait laissé un goût un peu amer dans la bouche, et le deuxième était vraiment plus intéressant. Il y a oui, ouais. L'ancrage, quand c'est frais, l'ancrage. Mais Roban, c'est vachement bon. Hein. Ouais, voilà, oui, ça dépend des éditeurs. Attention. En single, c'est dégueulasse. Et j'irai pas jusqu'à dire que c'est le meilleur truc que j'ai lu ces derniers temps, mais ouais, c'est quand même. Bon, Aaron, c'est bon quand même. Quoi. C'est adapté en série télé. Oui, comme à peu près tout ce qui sort ces cinq dernières années. Il y a Image Comics qui sort plein, enfin qui a vendu plein de séries. Oui, il y a Outcast aussi, il me semble. On a dit du bien, je l'ai pas lu. C'est pas extraordinaire. Enfin, moi, j'ai pas trouvé ça le meilleur truc qui est sorti ces derniers temps, mais c'est quand même sérieux et puis il arrive à surprendre malgré un plot assez simpliste. Hein. C'est facile à lire quand même. Alors, la meilleure nouvelle série, c'est Paper Girls, encore chez Image, de Brian Kevogan. J'ai lu, je crois que c'est Urban qui avait fait un petit comics gratuit du premier numéro. Ouais. C'est bien. Justement, ça m'a fait penser beaucoup à Stranger Things, la série. Là. C'est un peu dans cet univers, un peu à la Spielberg avec des gosses en vélo. Voilà. C'est dans cette ambiance-là. Vas-y. Juste une question. C'est bien lui qui avait bossé sur Lost aussi. Ouais, Kevogan, c'est celui qui a fait Y de la semaine, qui a fait. Saga. Ouais, qui a été showrunner sur Dome, Under the Dome, je crois. Mm-hmm. Berk. Et donc, c'est Brian Kevogan et Cliff Chiang, je ne sais pas qui c'est. C'est un dessinateur. Voilà. Ouais, sinon, moi je l'ai vu dernièrement sur Green Lantern Corps, c'était pas mal, c'était assez péchu, mais c'était pas mal sur Green Lantern Corps, là, sur le pitch. Ok. Donc la meilleure publication pour lecteurs jusqu'à 8 ans, c'est Little Robot de Ben Attek. Donc, bon, pas lu. J'ai plus de 8 ans, donc je l'ai lu. Thomas, oui, parce que j'ai 6 ans, tu vois. Alors, j'ai un truc pour toi. Ils sont où tes parents? McHall et Jimmy Campbell. Et Over the Canada, je crois que c'est une série télé de Cartoon Network. Ouais, ça aussi, je regarde tous les matins avant de. avant d'aller des chocs à pic. Oui, avant d'aller à mon école primaire. Bon, par contre, on va passer à un truc un peu plus que tu ne pourras pas lire parce que c'était pour les adolescents. Merde. C'est la meilleure publication pour adolescents, c'est Super Mutant Magic Academy de Drew N. Carter et Gillian Tamnaki. Donc, c'est un truc que tu pourras lire dans 2 ou 3 ans. Merci. Je vais faire une démonstration en direct de mes poils sur le torse. Non. Alors, on va passer au meilleur album, c'est Ruin chez Selfmade Hero de Peter Cutter, que je n'ai pas lu, donc tu ne l'as pas lu non plus. Non. La meilleure album republication, donc ça doit être republié, je ne sais pas exactement, c'est Minona chez Harper Teen de Noël Stevenson. Minola, c'est celui qui avait fait Hellboy pour. C'est pas Hellboy et compagnie. Ouais. Ah, ok. Mais moi, les Eisner Awards. Minona, c'est Minona. Les Eisner Awards, je regarde en général. J'en connais pas un sur deux. Bah, c'est que des trucs indés, en fait. Ouais, puis indé, j'ai l'impression. Enfin, c'est un. Ouais. Gentil, parce que c'est peut-être des trucs qu'on aura plus tard. Oui, après, si, il me semble qu'ils avaient Maus il n'y a pas très longtemps, quand même, que c'est un peu plus connu. Mais après, je reconnais qu'ils vont creuser loin, les mecs. Hein. Ouais. Bah, c'est un peu. C'est comme le Festival de Cannes, en fait. Ils vont chercher des films que personne n'ira lire. Enfin non, chercheront des comics que personne n'ira lire, parce que des films que personne n'ira lire, ce sera. Essaye de voir des comics qu'on serait susceptible de connaître. Je vais passer au pire, je couperai ainsi. Ouais. Après, on va parler aux meilleurs. Alors, les meilleurs auteurs, c'est Jason, on en a parlé, c'est Jason Aaron pour Southern Bastard. Star Wars, Thor, Doctor Strange et Men of Wrath. Bah, Star Wars, c'était super cool, Jason Aaron, il déchire. Sur quoi d'autre? Sur Thor, ouais, Mighty Thor, ouais, c'est cool, Mighty Thor aussi. Okay. Avec Jane Foster, spoil. On va passer au meilleur dessinateur, donc on en a déjà parlé, c'est Cliff Chiang sur Paper Girl. Ouais. Et le meilleur peintre ou artiste multimédia. Merde, je voulais faire un espèce de running gag pendant tout le podcast. Mais encore une fois, Maxime n'est pas là. Donc je ne pourrais pas faire ce gag. Hello, darkness, mouth. Mais la prochaine fois, fais-le en tête à tête avec Maxime. Nous, on pourra se mettre au frais. Et puis voilà. Parce qu'en fait, c'est le meilleur peintre ou artiste multimédia. Et c'est Dustin Nguyen pour Dissenters. Et en fait, c'est Maxime qui m'a tendu le tome de Dissenters. On dit, lis ça, c'est vachement bien. Je l'ai lu et je lui ai dit, ouais, c'est génial et tout. Et je lui ai rendu et je lui ai dit, bah, vas-y, lis-le toi maintenant. Et ça fait, je crois que ça fait depuis 4 mois que le monsieur doit lire ce tome et qu'il n'a toujours pas lu. Alors que je lui ai dit que c'était génial. Alors moi, j'ai pas trouvé des sens super, mais. Mais ferme ta gueule, c'est trop beau. Est-ce que quelqu'un a lu Dissenters? Non, mais Nguyen, moi j'aime bien en général. Ouais, c'est super beau. Petit robot là, c'est avec le petit robot. Ouais, ça a l'air cool. Les dessins à l'aquarelle, c'est super. Et ça va être adapté en film bientôt. Ah, bah génial, parce que de toute façon, je trouve que le visuel est génial quoi. Nous, on va finir sur mais ça. Mais tu n'aimes pas les dessins. Ah, oh, mais non, mais là, je trouve que les dessins à l'aquarelle, ça donne un. Mais oui, c'est super beau. Après, c'est personnel. Hein. Je n'ai pas été touché par cette aquarelle. D'accord. Bon, on va passer à autre chose. On va passer encore une news comics. C'est Marvel qui lance une deuxième série autour du Wakanda, puisque la série Black Panther, qui est écrite par un monsieur dont je vais galérer à dire le nom, c'est Ta-Nehisi Coates et Brian Stillfreeze. Et le monsieur qui écrit ça, c'est un essayiste apparemment. C'est quelqu'un qui n'avait pas fait de comics avant, et qui apparemment, cette série se vend super bien aux États-Unis. Et comme ça marche super bien, et que Marvel... aime bien avoir des ils vont faire un film. Ils vont faire une deuxième série avec le même principe qui va s'appeler World of Wakanda. Et du coup, à la tête, ce sera Roxana Gay et Wona Harvey, deux scénaristes qui sont plus connus pour avoir bossé sur le Times ou pour être poétesses que vraiment pour bosser dans le monde des comics. Et ce sera dessiné par Alita Martinez, qui était sur Bad Girl avant, et Afua Richardson, qui était sur Genius et All-Star Batman. Et c'est, en plus d'être une équipe créative 100% féminine, c'est la première équipe créative 100% féminine et afro-américaine. Donc, c'est cool de la part de Marvel. Et qui bosse sur quoi? Sur un titre avec des personnages noirs. Ouais, voilà. Genre, les noirs peuvent écrire que sur les noirs. Ah, c'est bravo la modernité, hein. Je suis non, ravi. Bon, effectivement, c'est encore des progrès à faire. Shonda, où es-tu, Shonda? Il faut quand même saluer Marvel qui ouvre un petit peu, au moins son panel de scénaristes. Ah, oui. Bon, ils avaient quand même fait Marvel 50 ans plus tard, on va faire un film sur une meuf en perso principal. Warner, excuse-moi, deuxième film qui sort, Wonder Woman. Ils ont tout compris, réalisé par une femme. On en parlera après. Oh, non, mais je... Et donc, en fait, la série, ce sera sur les Dora Milaje, donc les gardes du corps de T'Challa, le Black Panther. Pourquoi pas, ça peut être sympa, ça peut être sympathique. On va passer à autre chose et on va parler de Black encore, puisqu'on va parler des trailers de la série Netflix. Et on va commencer avec le trailer de Luke Cage. Est-ce que vous avez vu le trailer de Luke Cage? Ouais, je l'ai pas vu. J'ai pas de connexion internet. Alors, je vais mais tu as vu le trailer de Wonder Woman de Oui, mais parce que j'ai des amis, et c'est important quand même que. D'accord. À la cour de récréation quand vous jouez. Putain, mais ça va être ça jusqu'à la fin. C'est moi qui faisais ça, je suis désolé. Non, mais c'est pas grave. En fait, je vais me venger tout à l'heure. Il arrache une portière à main nue et qui va tabasser des mecs avec sa portière. Et va se faire tirer dessus. Waouh. Voilà. C'était juste un teaser en fait. C'était pas un. Pareil pour et il parle pour avec Iron il Fist. Parle avec un mec, ah, il y a eu un teaser d'Iron Fist. Ouais, il y a eu un teaser d'Iron Fist. On va en parler après. Est-ce que est-ce que Faye, cette série te hype un tout petit peu? Donc, c'est la série qui va arriver. Est-ce que je l'écris? Non, je l'ai pas écrit. Elle a rentré là en septembre. Ouais. J'en ai, mais alors totalement rien à foutre. Voilà, je te dis ça honnêtement. Le personnage dans Jessica Jones, parce que par niquer, il servait à rien. Si, il y a plein de débats. Voilà. Non, mais Jessica Jones, la seule chose qui m'a plu, c'est David Tennant. D'accord, on va passer à quelqu'un de plus intéressant. Est-ce que ça te hype un peu, Luke Cage? Alors, à la base, moyen, parce que je ne l'ai pas trouvé extraordinaire dans Jessica Jones. Il faisait, mais il faisait plus une plus-value par rapport à l'actrice principale. Mais dans le teaser, la musique m'a bien plu. Ouais, tu as l'impression qu'il part dans un truc un peu hip-hop, un peu funky. En fait, j'espère qu'ils vont trouver un peu une identité à ce personnage. Street, ouais, voilà. Qui après, ouais, comment, voilà. Superman à un moment donné, Luke Cage, quand il a commencé dans les comics, il avait la coupe afro et tout. Ouais, c'était un gros stéréotype. Bon, là, en 2016, voilà, ça va beaucoup moins marcher. Mais là, s'ils arrivent à trouver vraiment un côté street hip-hop et machin, ouais, pourquoi pas, une identité propre, parce que là, il était quand même assez transparent, j'ai trouvé dans Jessica Jones. Ouais, moi aussi, j'ai trouvé qu'il était pas de ouf intéressant et que, comme Faye, je trouve qu'il sert qu'à baiser en fait dans cette série. Moi, c'est le plan cul de Jessica Jones. Fois que c'est pas une fille qui sert qu'à ça. Au contraire, moi franchement, j'ai pas du tout accroché à Jessica Jones et ce qui me faisait regarder, bah, c'était Luke Cage. Ah, chacun ses goûts. Ouais, j'aime les grands blagues. Ce serait la caution blague de. Du coup, est-ce que ce trailer te donne envie? Carrément, j'ai regardé. Mais Iron Fist m'a donné beaucoup plus envie que. On va parler d'Iron Fist, puisqu'il y a eu une belle transition. Sur Iron Fist. Et il casse une porte aussi? Non, il casse un avion. Non, en fait, un mur d'asile psychiatrique. Ouais. Ok, ils étaient très originaux. Une espèce d'origine story. On voit Danny Rand, donc le personnage principal, et ce qui doit être sa mère, je pense. Dans un avion, en fait, il s'écrase et il voit des moines. C'est le survivant du crash de l'avion. Mais je connais très mal l'histoire d'Iron Fist. C'est pas un mec qui a vécu chez les moines. Comment il s'appelle cette. Ouais. Il y a juste son nom qui me fait rire, en fait. Je crois, la cité. voilà, en fait, c'est un gosse de riche milliardaire, un espèce de Bruce Wayne. Bruce Wayne avec des pouvoirs, ça. Ouais, non, pas tant que ça, qui survit à un crash d'avion. Alors, je connais pas trop l'origine story, mais à mon avis, la série télé, c'est ça, qui se retrouve entraîné par des moines à un moment donné dans un art mystique. Et t'as tout un côté. Qui vient l'élu du dragon, un truc comme ça. Et bon, t'as un côté assez mystique, là, Doctor Strange, un peu. Moi, le trailer m'a donné envie, ça avait l'air assez cool. Même pas de chaussures et il a plein. Comme un clodo quoi. Ouais, il habille vraiment clodo et après on voit qu'il est dans un asile psychiatrique et qu'il essaie de s'en sortir et puis après on voit un mur qui fait paf et on voit derrière qui sort comme ça. Bon, ça c'est plutôt cool. Alléchant. Ouais, c'est assez cool. Est-ce que Faye, ce petit teaser, t'a tenu un tout petit peu envie? Je sais pas, ça ressemble à un truc que tu avais dit 1000 fois. Ouais, bah je te le dis. Excusez-moi. Non, mais j'attends de voir. Le personnage, le peu que je connais, c'est dans la série débile là, de Spider-Man, ouais, que j'ai pas du tout aimé. Voilà, excusez-moi, je retiens pas les noms, je renomme. C'est affreux. Mais j'attends de voir. Après, ça ressemble à des séries type classique. Genre, le mec qui arrive en mode voilà, je suis pas bien habillé, je vais dans un asile. Ça ressemble un peu, tu vois, à John Doe ou d'autres séries du même type. Ouais. Tu vois, donc. Il faut voir comment c'est amené. Après, je sais que Netflix, par exemple, ils m'ont réconcilié quand même avec Daredevil, même si j'ai toujours pas fini de mater la saison 2. Voilà, ils ont quand même une approche qui est quand même intéressante des persos. Ah. Bah ouais, mais c'est Elektra. Non, t'as pas intérêt. Ils meurent tous à la fin. Non, mais je trouve que l'approche de Netflix est quand même beaucoup plus intéressante en termes de super-héros Marvel que ABC ou même ce que fait DC avec la CW qui est juste n'importe quoi. Bah, c'est pas le même public visé. Oui, ça c'est sûr. Hein. Ça c'est sûr. De quoi qu'après ça veut rien dire. Parce qu'on m'a dit la même chose sur un truc. Enfin, on va faire juste une petite divergence. Est-ce que vous avez vu que sur France 4 maintenant était passé un truc qui s'appelait DC? C'est DC Girls, je crois. Ah oui, j'ai vu. Ouais, au hasard. Ça m'a fait plutôt rire. Non, mais moi, ça me fait pleurer, franchement. Ça me fait pleurer. Non, moi, ça m'a fait rire. Quoi. Ah, mais oui, dans l'école, là, où ils sont dans une école. Ouais, c'est une série d'animation dans l'univers de DC où Harley Quinn est gentille. Où Wonder Woman a un. C'est pour les enfants, de toute façon. Oui, non, mais ça veut rien dire. Wonder Woman. Du coup, c'est comment? D'accord. En gros, c'est les super-héroïnes qui sont dans une école. Non, en fait, c'est Barbie. Non, c'est vrai qu'en fait, on prend pas mal les enfants pour des cons. On prend pas mal les enfants pour des cons parce que le dessin animé Batman, il est hyper intelligent, quoi. Bah oui. Pourquoi c'est vrai. Un truc aussi nul, alors non, c'est vrai. Parce que moi, je regardais des trucs intelligents quand j'étais petit, je crois. C'était hier quand t'étais petit. C'était hier matin avant d'aller à l'école. J'ai pris mon petit lait. Je suis la caution, c'était mieux avant. Mais c'est vrai qu'avant, on avait quand même des séries animées. Ouais, bah, ça fait des choses beaucoup plus travaillées et maintenant on abrutit les gosses. Quand tu vois, l'autre fois je zappais, je tombais une série où c'était des meufs, genre tout ce qu'elles voulaient, c'était genre ah vas-y, on va utiliser de la magie pour chanter, ouais, avec des perles et des trucs. Ah, trop bien quoi. Non, mais faut pas déconner. Les meufs maintenant, elles pensent à autre chose que moi. Déjà, ça me gonflait déjà quand j'étais petite, genre quand tu voyais Blanche-Neige ou La Belle au bois dormant, c'est deux cruches. Mais donner des modèles bien aux filles, quoi. Merde, à la fin. Ouais, là, c'est pas très nouveau. Moi, je suis un peu plus vieux. J'ai caution grandi, féministe. Hélas, avec Sailor Moon. J'ai aimé les hologrammes. C'est une catastrophe. Hein. C'était horrible, quoi. Oui, non, ça allait. Enfin, c'était regardable. Sailor Moon, c'est regardable. Bon, c'était chiant. Tu re-regarderais là, Sailor Moon? Ouais, bah, j'avais commencé à regarder. Alors, Sailor Moon, c'est quand même une grosse cruche, quoi. C'est, faut le voir au second degré, mais tu le vois au premier, c'est n'importe quoi. Et Jem et les hologrammes, le seul truc qui était bien, c'est qu'elle appuyait sur sa truc et qu'elle avait son ordinateur qui lui faisait des choses, mais après, elle était conne. C'est, et les poupées de Jem et les hologrammes puaient. Je tenais à le dire. Ce qui est bien dans les dessins animés de l'époque, comme style Batman, c'est qu'il y a plusieurs degrés de lecture. Ouais, pour moi, c'est l'époque, mais il y a plusieurs degrés de lecture, en fait. C'est aussi bien pour les enfants que pour les. Justice, qui était, ça date de 1 ou 2 ans. C'était intelligent, c'était. Faire des trucs de merde alors que. Bon, je crois que je vais couper ce passage parce que c'est trop de la merde. Donc, moi, on était toujours sur les trailers de Netflix, puisqu'il y a eu un tout petit teaser pour la saison 3 de Daredevil et pour Defender. Enfin, là, on voit rien, il n'y a rien à dire. Rien du tout, c'est un teaser. C'est le titre en fait, et on entend. Ça sert à que dalle de faire des trailers pour juste montrer un titre, sérieux quoi. Si, moi ça m'a fait régaler. Tu vois rien du tout, mais je sais pas comment dire, c'est juste génial. Je sais pas, celui de Defender, tu vois des feuilles qui s'envolent, mais le fait de le voir, tu te dis putain, les gars ils vont le faire quoi, tu vas voir les mecs et tout. Ouais, j'ai pas compris pourquoi ils mettaient du Nirvana en fond, comme Azuar. C'est cool. Pour qu'on comprenne la caution nature en fait. Pour qu'on comprenne le. Est-ce que tu regardes encore Agent of Shield? Non, ça y est, ils m'ont lâché. Saison 3, tu vois, ça y est, bon, je peux plus non plus. J'ai tenu 3 saisons. Non, je peux. Courageux. Excusez-moi. Bah, on va enchaîner avec une autre news. Je m'en fous. En plus, ils ont pris l'un de mes personnages préférés et pas le bon. Ils ont pris Ghost Rider. Il y a Nicolas Cage ou pas dedans? C'est même pas Ghost Rider en fait. Il y a vraiment avoir Ghost Rider. C'est l'autre avec sa voiture, le nouveau là qu'ils ont fait. Oui, c'est le nouveau. La voiture est classe. Ils ont montré la voiture. Moi, je suis prêt pour un troisième film avec Nicolas Cage. Non, je rigole. De LOL en perspective. Moi, j'aime bien le 2. Oui, non, ils ont pris Robbie Reyes pour Agent of Shield. Ouais, enfin, bon, ça, c'est pas le meilleur Ghost Rider. Du coup, Ghost Rider va arriver dans Agent of Shield, mais c'est. Ouais. Je trouve qu'il devrait plus l'intégrer au MCU ou quoi. Une série Netflix. Oui, il y a Hellfire, oui, le crétin avec ses chaînes. Mais moi, c'est là où ils m'ont lâché, en fait, Agent of Shield, c'est qu'ils. Alors, j'attendais peut-être trop de la série. Ils ont vendu les Secret Warriors de Hickman. Ouais, c'était pas mal. Enfin, le comic, c'était pas mal. T'avais Hydra derrière, Hive et compagnie, ça cassait de partout. Et quand tu vois ce qu'ils en ont fait, ouais, ils étaient 2 ou 3. T'as un inhumain ennemi. Bon, le Razor, il est marrant, il a une chaîne. Bon, enfin, c'est pas. À la limite, le vend pas, quoi. Fais autre chose. Et c'est là où ils m'ont lâché. C'est que vraiment, ça fait 3 saisons qu'ils te vendent du Marvel. Ils mettent pas des personnages. Bah, mets-les carrément, ou alors pars sur un autre truc. Parce qu'après, la série, à mon avis, elle est pas ridicule au niveau réalisation et tout ça, ça tient la route. Mais ils t'ont. Alors, t'as eu du Sif en première saison. Moi, m'a endormi cette série. Ouais. Oui, ils te promettent, ils te hype un peu sur les liens avec les comics et compagnie. Et finalement, il n'y a pas tant que ça derrière. Et ouais, j'ai lâché. Pardon, vas-y. C'est pour revenir sur Ghost Rider surtout. Je pense qu'autant. Si on fait un truc avec Ghost Rider, autant faire une série Netflix que le mettre dans Agents of S.H.I.E.L.D. en fait. C'est un vigilante, hein. Ouais, il a plus sa place là-dessus en général. Enfin, c'est. Il a un bon background, quoi. Si vous revoir la même origin story qu'on a vu déjà 2 fois. Ouais, bah justement, il faudrait la retravailler en mieux parce que c'était minable quand même les films avec Nicolas Cage. Oui, il est marrant, il y a Idris Elba dedans. Et il y a, merde, comment il s'appelle, Christophe Lambert. Ouais, mais il ne rit pas, il me semble. J'ai été très déçu. Non, mais je rejoins sur Agents of S.H.I.E.L.D., moi aussi, ça m'a. La réalisation, j'ai pas de soucis. Voilà, le frère de Whedon, bon super, toute l'équipe, la fine équipe et tout. Mais c'est les scénarios, beaucoup de longueur. Les Inhumains, j'en attendais beaucoup, j'ai été hyper déçu. Les Inhumains, tu parles des Inhumains, à aucun moment tu fais une référence à Flèche Noire, à Médusa ou à Tylan. Alors bon d'accord, c'est tu ça. Fais ça pour autre chose, pour le film qui a été repoussé à une date inconnue, ce qui est un peu inquiétant. À mon avis, au moins, y aura que dalle. Pour les fans, au détour d'un dialogue, tu lâches, tu fais un name dropping 2 secondes, les mecs ils vont être comme des fous quoi. Et là, rien. Pourquoi ils prennent pas, il y a 40 millions de persos chez Marvel. Non, mais. Des vieux persos, ils les utilisent. Je comprends pas ce qu'ils font, même les persos principaux, je trouve qu'ils sont pas super gérés. Enfin, c'est un peu. Les persos principaux d'une série sur Marvel, pourquoi tu prends pas des personnages de Marvel? Il y avait Mockingbird qui était mignon, mais voilà. Mais ils l'ont viré. Ils l'ont viré, elle est sortie de la série parce que. Bah, j'ai même plus. Ils voulaient faire un spin-off qu'ils ont annulé, mais elle va revenir du coup. Ils vont revenir, Bobby, et enfin les deux vont revenir. Mais moi, ça me fait penser par exemple, par rapport à ce que tu disais, que tu comprends pas pourquoi ils mettent pas des personnages plus connus. Par exemple, c'est un peu pareil au niveau des comics. Genre, Marvel, des fois, redescend un peu dans les ventes et on nous laisse avec des personnages qu'on n'aime pas forcément. Genre, le Captain America Falcon, moi, je l'apprécie pas trop. Bah, y a plein de personnages qu'on aimerait bien retrouver qui seraient plus intéressants et que ça hausserait les ventes, je pense. Et pourtant, on nous laisse avec des personnages. Ouais, mais après, tu les vois depuis des années. Et ils ont... C'est pour C'est vrai que ça apporte du nouveau, mais par exemple, les X-Men, ils pourraient vendre avec, et pourtant, ils en mettent de moins en moins, les X-Men. Oh, il y a quand même 3 séries dans le... Je crois que tu avais un avis sur ce qu'on avait dit dans le podcast dernier par rapport à X-Men. Vous parliez de la fin des X-Men dans les comics. Oui, moi, j'étais pas super, super d'accord, parce que là, dans le relaunch Marvel, alors, ils en sont où ? All New, All Different, un truc comme ça ? Ouais. All 3... New, All... Voilà, bon, c'est compliqué. Il y a quand même 3 séries X-Men, plus 2 séries Wolverine. Les Inhumains, il n'y en a pas tant que ça. Alors, ils nous ont teasé un gros event comics l'année prochaine, super excitant, les X-Men contre les... Ouais, formidable, les X-Men contre... Les X-Men, ouais, attends, spoiler, c'est X-Men. Donc, je pense pas qu'ils vont tuer l'œuf parce que ça vend quand même. Et puis, je crois qu'il y a vraiment une différence maintenant entre le Marvel cinéma et le Marvel comics. J'ai pas mes sources, je vais peut-être dire une bêtise, il me semble qu'il s'était un peu froissé en début d'année. D'ailleurs, je sais pas si tu as vu, au Comic-Con, il y a un nouveau logo, maintenant c'est Marvel cinéma. Ouais, j'ai vu. Marvel Studio. Mais c'était déjà Marvel Studio. Ah ouais, il me semble, c'est pas... Enfin, J'avais trouvé que justement... Ouais, mais là, en tout cas, le studio, il impose, il fait la même taille que le Marvel. Maintenant. Ils prennent un peu leur indépendance, donc à mon avis, je ne suis pas sûr que comics... Dans Marvel Studio, on ne voit pas du tout de comics, on voit que des images. On voit deux, trois images au départ. Il me semble que les deux sont vraiment administrativement assez indépendants. Kevin Feige fait son truc dans son coin. Et d'ailleurs, quand tu vois les comics Marvel, c'est assez étonnant, parce que dans les Avengers, Thor est une fille. Alors, je ne lis pas de VO, mais Iron Man est passé Darkseid à la fin de Axis. Je ne sais pas si ça dure. Il y a Captain America qui est Black, Sam Wilson. Ah non, maintenant, Iron Man va être remplacé par Docteur Doom et une meuf aussi. Formidable. Enfin bon, mine de rien, ils s'éloignent quand même vachement de. Ah, c'est gravement éloigné. Ouais. Là, et même chez les X-Men au cinéma, d'après ce que j'ai pas vu Apocalypse, j'ai boycotté, mais j'ai l'impression qu'on revient sur les fondamentaux avec l'équipe des jeunes X-Men, Jean Grey, Cyclope et compagnie. Mmh. On en est loin dans les comics. Hein. Ouais, mais là, pour le coup, d'après ce que j'ai compris, dans les nouveaux comics X-Men, ils s'en sont un petit peu éloignés. En fait, les deux entités sont assez différentes. Je suis pas sûr qu'ils tuent les X-Men, à mon avis, non. Par contre, pour rebondir sur ce que disait Thomas. Sur les personnages qui sont peut-être moins intéressants, ils vont revenir. Hein. Si tu regardes Spider-Man, Dan Slott, tout le monde a voulu tuer Dan Slott avec Superior Spider-Man. Quand ils ont fait revenir Peter Parker, ça a été l'un des meilleurs comics qui a été vendu ces 15 dernières années. Je m'inquiète pas, Captain America, il va revenir à un moment donné. Et d'ici 2 ans, tu auras l'équipe de base des Avengers. Et puis quand ça vendra plus, ils feront un reboot. Et puis voilà. Quoi. C'est sûr, ça va encore faire reboot. Oui, ou Morales. Oui. Morales, c'est pas mal aussi. Même dans le. Enfin, je sais pas, il y a une news, enfin, pas une news, mais des rumeurs, même dans le film Spider-Man qui va être introduit. Apparemment, il y a des grosses rumeurs. Mais c'est, bah, alors, attention. Si vous n'avez pas envie de vous faire spoiler, Spider-Man. Il y a des gens autour de la table qui n'ont pas envie d'être spoilés. Je sais que Fate, c'est déjà. Moi, tu t'en fous. T'as lu la truc de Comic Blog? Ouais, j'ai lu le truc de Comic Blog. Attention, si vous n'avez pas envie d'être. C'est des petits spoils, hein, c'est pas du gros. Bah, c'est pas vraiment du spoil. C'est même pas du spoil, c'est des théories. C'est des théories, donc. Apparemment, vous savez peut-être qu'un des plus grands acteurs de notre génération, Donald, a été casté pour Spider-Man Homecoming. J'ai perdu son nom. Donald Glover, excusez-moi. C'est Donald Glover qui a été casté pour un truc et on ne sait toujours pas quel personnage il fera. C'est pas non. Et alors selon Comics Blog, allez voir le enfin vous irez, il y a un article qui parle de ça. Et selon Comics Blog, apparemment, il ferait un méchant dont connaîtrait l'identité. Le vautour. Shocker, apparemment. Ouais, Shocker. Ah ok, c'est un autre truc. Pas le méchant du film. Ok. Mais un petit méchant qu'on verra au début. Au tout début, à la scène d'ouverture du film. Shocker, ouais, sera un petit méchant de Spider-Man. Arrêterait. Et en fait, on apprendrait l'identité du mec. Et ce serait l'oncle de Miles Morales. Et en fait, Miles Morales serait dans le lycée de Spider-Man. Ouais, il arriverait en tant que nouveau dans le lycée. Il y aurait une espèce de teaser, genre, on le met là, on peut s'en servir plus tard. Ouais. Il est toujours là, il est avec nous. Et c'est par le maire, j'ai oublié, j'ai pas noté son nom. Le Beast of No Nation, qui est un super film. Allez voir avec Idris Elba, il est vraiment super prenant ce film. Et ce petit acteur, il joue vraiment très très très bien. Bah ça, moi je trouve que c'est une bonne idée, parce que ça se détacherait un peu du comics, mais en même temps, ça intégrerait Miles Morales, qui est un plutôt bon personnage. Mais quand un même. Film comme ça en duo, ça donnerait un bon. Ouais, c'est. On a toujours l'habitude d'une personne ou de l'équipe. Ouais, surtout que ça changerait un peu des Spider-Man qu'on a vus à l'écran, quoi. Parce que. Mais tu as peut-être un avis sur la question. Moi, j'ai tendance, j'ai vu la news ce matin, j'ai tendance à y croire parce qu'ils sont bons Marvel et Kevin Feige pour ce genre de trucs. Ouais. Autant tout à l'heure sur la news sur Oracle, et je sais pas s'ils iront au bout du délire parce que. Ça se trouve, c'est juste un historique. Ouais, j'ai l'impression que c'est un historique. Enfin, pour l'instant, ils sont plus dans cette démarche-là. Autant Marvel et Kevin Feige, j'ai plus confiance de qu'ils lancent ce genre de piste. Il est malin le coco. Il voit que Miles Morales ça vend bien. Curieusement, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, les Inhumains un peu partis du radar parce que je crois qu'en comics ça vend pas tant que ça. Oui, bah, puis bon, je crois que c'est quoi, c'est comment il s'appelle le dessinateur qui a commencé le premier, le mec qui a fait Darksider, qui a fait Battleshazzar, j'ai bouffé son nom. Ramos. Non. Darksider, c'est Ramos, non? Et mince, je retrouverai pas. Bon, c'est Humberto Ramos qui est parti. Qui ouais. Merde, non, je crois que je dis la merde. Non, j'ai un autre. Merci, ça m'aviendra. Et bon, le gars, tu sais qu'il est là, il fait un comics pas tous les ans, il peut pas faire plus. Il fait Avenging Spider-Man. Non, il est parti en jeu vidéo pendant très longtemps, pas le nom. Il est revenu, il a fait Avenging Spider-Man. Ouais, Spider-Man, mais c'est pas Ramos. Juste avant Spider-Island. Putain, merde, je sais plus son nom. Mais. C'est un mec super. Ouais, il avait fait du. Ouais, bon, on coupe. du coup, oui, vu que ça vend pas très bien une humaine en comics, à mon avis, ça serait pas étonnant. Et puis encore une fois, il est malin, Feige. Donc, ouais, moi j'y crois à cette news. Faye, t'as peut-être un avis sur Miles Morales dans l'univers de cinématique Je m'en fous. Tu t'en fous. Mais au moins, juste un dernier truc. Faye est aussi la caution de troll de l'émission. Un dernier truc, ça permettrait aussi à Marvel de finir leur pacte avec Sony, quoi. Du coup, je sais pas si Miles Morales c'est chez Sony. Non, il est pas justement. Il est pas chez Sony, du coup. Non, c'est Peter. Ils doivent pas avoir les Ultimates. En fait. Putain, c'est fou. Je pensais qu'ils avaient tous les titres de Spider-Man en fait. Excuse-moi. Du coup, vu que là en fait le Spider-Man c'est un prêt de Sony qu'ils ont. Donc du coup, est-ce qu'en fait ils mettraient pas ce petit perso là, Morales, pour en fait récupérer le Spider-Man tranquille? Excuse-moi, j'étais dans ma tête, je t'ai pas entendu. Bon, donc on est d'accord, voilà. Donc on est d'accord avec, je vais t'appeler Gilles parce que ce sera plus simple que Tom Tom. Avec Gilles parce que je m'y perds, Tom Thomas là, je vais pas y arriver. Donc Gilles et moi, on est d'accord. Le pauvre, il a rien demandé, c'est pas grave. Mais il y a bien Gilles. Gilles, je vais t'appeler Gilles aussi maintenant. Jailes. La prochaine news. On va passer. D'accord. Un autre truc un peu spoiler, attention. Est-ce que j'ai parlé de la nouvelle série de Paul Dini? Non, je n'ai pas parlé de la nouvelle série de Paul Dini. Tout à l'heure, on parlait d'animé. Est-ce que vous aimez bien Paul Dini? Je pense que Thomas aime beaucoup Paul Dini. Oui, j'aime beaucoup Paul Dini. Ouais, enfin, j'ai pas trop eu de comics de Paul Dini à part Mad Love, mais après, un dessin animé. Tous les gens qui sont allés à la PCE sont. Mais les comics qu'il fait aussi ont l'air pas mal, mais. Après, il est surtout vraiment bon dans l'animé, Paul Dini. Et même en comics, il est très bon. Ouais, aussi, il est très bon. Ouais, c'est un putain d'auteur, en fait, Paul Dini. Comment s'appelle son run de Batman? Il voulait pas faire une série où il raconte un choc psychologique qu'il a vécu? Non, c'est pas ça dont je parle. C'est pas ça dont tu veux parler, mais il voulait faire ça, non? Tu aimes bien Paul Dini? Vous allez par animation, là, un peu? Ouais, voilà. Ouais, alors j'y connais rien, je vais me chercher une bière, du coup. Si tu veux, j'y vais avec lui. Et cette série sera pour la Warner et s'appellera Justice League Action. Une série qui ressemble vraiment à un mix entre les vieilles séries Justice League et Batman Brave and the Bold. Une action magnifique. On y voit vraiment beaucoup de personnages, des iconiques, mais aussi des seconds couteaux apparemment. Et donc James trouve ça très alléchant et ça va débarquer en automne. C'est quoi Batman Brave and the Bold? Alors c'était un truc, me semble-t-il, où Batman il faisait des mini-histoires et il rencontrait à chaque fois d'autres personnages. Ah oui. Alors, il me semble que c'est ou ça. Ou le générique c'était en mode case de comics. Non, c'était pas ça? Ouais, je crois. Ouais. Les dessins étaient super moches, il y avait des gros traits. Ouais, si, si. Ah, mais c'est pas hyper fan. Ouais. Moi j'aime bien. Ouais. À un moment, il veut réagir sur cette news excitante d'une nouvelle série de Paul Dini. Non. Moi j'adorais la série. Ça a l'air plutôt alléchant, ouais. Paul Dini, c'est toujours alléchant, de toute façon, dans l'animé. C'est vrai que je suis assez fan de la série Batman. Tout le monde est fan. Et c'est vrai que de la Justice League, je sais pas s'il a participé sur la Justice League ou si c'était que Monsieur Beat. Monsieur Beat. Donc on s'en fout, ils sont partis chercher la boire et on fait. Mais ouais, moi ça m'intéresserait, franchement. Moi je dis pourquoi pas, parce que c'est vrai que ces derniers temps, j'ai un peu regardé des trucs d'animation avec James quand il regardait, j'ai pas été hyper absorbé. Non, bah là. Les films ou les séries. Ouais, Young Justice, ouais, qui était pas mal. Je sais pas, regarder grand chose en dessin animé. Bah, de toute façon, comme on en parlait tout à l'heure, j'ai l'impression que dans les dessins animés, on prend pas mal les enfants pour des cons. Et là, ils ont annoncé aussi Teen Titans là, qui allait faire, qui va être. Teen Titans, bah en fait, je préférais. J'aimais pas Teen Titans parce que c'était pas les héros que je connaissais quand j'étais petit. Du coup. Bah Robin. Bah oui, mais il y avait juste Robin. Après, Starfire, je sais pas qui c'était. Cyborg non plus. Cyborg, j'ai à peine découvert son origin story avec Jeff Jones dans Justice League, quoi. Okay. Et là, on a Mathieu qui revient, donc je lui rappelle la news. Je pourrais boire de lichettes. Va faire un dessin animé. Non, t'as pas l'âge. Ça, j'ai oublié que j'ai ça. Merci. De la série Justice League et de Batman Brave and the Bold. Formidable. Voilà, aucun. Aucun avis. Non, j'avoue qu'en animation, je suis pas trop. Je sais qu'il y a des bons trucs, hein, je devrais, mais ouais. Manque de temps. Brave and the Bold, oui, j'ai entendu du bien quand même. Ouais, faudrait vraiment que je m'y mette. Je vois pas ce que c'est. J'ai du mal à voir ce que c'est. La bière ou la. Hein. Je sais, bon, je suis bourré, j'ai bu de gorgées, j'ai pas l'âge. Il est sous. Voilà. Est-ce qu'on attend James pour parler du Batgirl Gate? Parce que je vois que c'est son prochain truc. Ouais, bah ouais, parce que c'est. Je pense que ça va l'exciter. Oui, ouais, voilà, il va hyper à fond. Hein. Ah mais ça parle de ça. Okay. Mais sinon pour agir sur le dessin animé Killing Joke, j'ai l'impression que je sais pas ce que vous pensez des dessins, enfin de l'animé en soi-même graphiquement. Je trouve qu'il est vraiment mal fait par rapport à ce qu'a pu faire DC. Mais je pense que c'est un parti pris. Hein. C'est un parti. Bah oui, ça fait hyper lisse et hyper carré. Parce que les dessins de Brian Bolland sont pourtant super réalistes. Là pour le coup, et j'ai vu le trailer, ouais, à mon avis c'est stylé parce que c'est quand même particulier The Killing Joke, c'est une ambiance très particulière. Mais effectivement, là où je te rejoins, c'est que je suis pas sûr que ce soit. Enfin, pour moi en tout cas, ça m'a pas donné envie. C'est pas stylé comme j'ai envie de le voir. Alors, est-ce que c'est pour le bruit ou James revient avec des boissons. Ouais. On a parlé de la série et là on est parti sur le Batgirl Gate. On commence juste à parler de l'animé. Ah d'accord. Donc moi la série me donne vachement envie. Je suppose vous avez vu le trailer. Action. On a fini. C'est fini. Bon, bah, moi, ça me donne vachement envie, ça a l'air cool. Et le Bad Girl Gate, donc tu disais quoi? Tu as juste dit. On n'a pas dit ce que c'était. Vous n'avez pas dit ce que c'était. Donc, en fait, c'est. Bon, attention, petit spoiler. Tout petit spoiler, encore une fois. Enfin, tout le monde a lu Killing Joke, mais l'adaptation. Mais c'est quoi Killing Joke? Trop jeune, tu n'as pas compris. Ouais. Il avait marqué interdit, public averti là, avait marqué dessus, j'ai pas pu. Il a été diffusé pendant la Comic Con. Ouais. Et apparemment, Batman et Batgirl seraient en couple. Enfin, c'est pas apparemment, c'est sûr. Oui, c'est en couple. Et pourquoi? Pourquoi? Et que même le Joker, on aborderait la sexualité du Joker. Ah, pardon. Il va y avoir un plan 1-3 avec le Joker. Ça va être dément. Marc Hamill qui va faire des bruits d'orgasme, si c'est aussi bien que ses rires, je veux voir. Donc ils mettent Batgirl et apparemment Batgirl est, enfin pour bon je vais un peu spoiler du coup comme il l'a. Apparemment Batgirl est une vraiment fan girl du Batman et c'est comme ça qu'elle rencontre. Un peu comme dans le Dark Knight Returns. Et apparemment il y a les 30 premières minutes du film sont sur elle, donc on voit comment elle est, nanana. Et à partir du moment où le Joker arrive et lui tire dessus, on n'entend plus parler d'elle. Mais ça peut amener un truc en plus parce que. Enfin, quand... elle est morte, mais c'est. Oui, non, mais je savais pas qu'on parlait 30 minutes d'elle et qu'après le Joker l'a tiré. Ça amènerait une. Lui tirait dessus, pardon. Selon comment tu lis le Killing Joke, apparemment, elle se fait. Enfin, il y a plein. Enfin, il est tellement fort qu'il lui bousille l'eau. C'est vrai. Il la viole et puis. Mais ça amènerait une dimension en plus parce que dans Killing Joke, le comics, on n'a pas trop le temps de s'attacher à Barbara Gordon parce que, enfin, pour ceux qui veulent. On la voit pas en fait. Donc ouais, on la voit à peine quoi. Alors ça mettrait une dimension un en plus quoi. C'est un peu la justification de Paul Dini qui disait que c'était pour mettre en avant le personnage et que. Là, je trouve que c'est pas une mauvaise idée. Et après. Et que c'était pour montrer que Batman faisait des erreurs qu'en tant que parent, comme il est pas père et là qu'il a des. Une espèce de relation. Bah, il couche avec une fangirl, quoi. Ouais, voilà. Avec Robin et Batgirl, c'est un peu. C'est genre, c'est genre une rockstar en fait. Je le vois bien en mode Barney, là il fait Who's your daddy? Bah, en tout cas, ça fait râler plein de monde et moi je trouve que c'est à justifier. Tu veux mettre en avant Bad Girl, autant faire un film Bad Girl. Quoi, voilà, quoi. Ah, le but c'était de faire quand même Killing Joke de base. Mais... Le film qui est dispo bientôt, je pense que je vous demanderai. Le 3 août. Le 3 août? Ouais, en même temps que Suicide Squad. Ok, et ben je pense qu'on le regardera et on en parlera dans. Oui, je pense que l'intérêt c'est regarder parce qu'après Killing Joke ça date de combien de temps? Enfin, c'est bien de faire des adaptations, mais j'ai lisé un truc il y a pas très longtemps sur Orange Mécanique, qui le film de Kubrick, qui a choqué tout le monde quand il est sorti. Tu le montres à des gens maintenant, ils sont morts de rire parce que la violence passe moins bien. Enfin, du coup, est-ce que Killing Joke, j'ai lu il y a très longtemps, je m'en souviens plus trop. Est-ce que effectivement, ça, si c'est gratuit, qu'il y a une scène de sexe sur un toit, bon, c'est naze. Voilà, c'est hors. Bon, c'est très. C'est très très implicite. Vraiment. Si ça a vraiment une plus-value dans le truc, pourquoi pas, après tout, quoi. Après, je vous. Ce genre de polémique, c'est un peu naze. C'est comme un peu la polémique avec Bad Girl, la couverture de Bad Girl. Oui, ouais, exactement. Ça, je trouvais ça débile. C'est nul. Les gens râlaient. Les gens qui râlaient, c'était des gens qui n'ont pas lu. Non, puis les gens râlaient parce que Batman, c'est super. Des vieux catholiques. Non, faut arrêter, ça va, quoi. On va rester chez DC puisque en fait ça a été, les autres films qui de chez DC. T'en as parlé de ça? Non, mais tout à l'heure on parlait de Titan, il en a parlé. OK. Bon bah les prochains films parce que on a Justice League Dark qui va arriver en anime. Hein. En anime, oui. Teen Titans The Judas Contract, donc une adaptation libre des écrits de Marv Wolfman et George Perez. C'est la suite de Justice League vs Teen Titans. OK. C'est toujours avec le même parti pris Young Justice. Ouais, c'est pareil. Ouais. Moi, je trouve ça nul. C'est la suite. Et après, Batman même ça a été teasé. Harley Quinn qui sera une histoire originale de Bruce Timm. Parce que enfin, ça a été teasé dans la post-gen de Teen Titans versus Justice League. Okay. Tu as dit Batman en Harley Quinn. Une série originale de Bruce Timm. Mais Bruce Timm, il écrit pas, il dessine. Okay. Bah, il peut écrire aussi. Ouais. Il a le droit. Donc, bah, moi, je trouve que les séries, ça fait un moment. Je trouve que depuis Young Justice, les films qui sortent, Arkham, c'était nul. Son of Batman, c'était nul à chier. Le film Red Hood, Under the Red Hood, était bien. C'était Batman contre Red Hood. Under the Red Hood était génial. Ouais, j'ai vu, il était vraiment cool. On a eu un autre trailer. Bon, ces news sont beaucoup, beaucoup, beaucoup de trailers. C'est le trailer d'une série télé autour de l'univers de X-Men. Je crois que c'est produit par Singer. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est produit par Singer. C'est Légion qui passera sur la Fox apparemment. Et non, je dis de la merde. J'ai pas de FX. Nom. C'est sur FX. Ouais. Oh, la Fox, FX. Il y a un O au moins. Du coup, moi, je trouvais que le trailer du pilote était assez tentant. Donc, pour vous résumer vite fait, on voit un mutant assez puissant. Je crois que il était pas tout. C'est le fils de Charles Xavier Légion dans le comics. C'est un mutant oméga. C'est l'un des plus le télépathe le plus puissant, sauf qu'il est totalement schizophrène. Il a un pouvoir hallucinant de moller la réalité et compagnie. C'est lui qui a tué Charles Xavier, qui a amené l'Age of Apocalypse, et c'est lui qui est dans le héros de la série Légion de Spurrier, qui est sortie l'année dernière, qui est l'une des meilleures séries X-Men de ces 10 dernières années. C'est juste formidable. Mais la bande-annonce ressemble un peu au comics. Le comics était génial, c'est le type est totalement schizo, il a 150 personnalités différentes dans sa tête, et il peut piocher telle personnalité, tel pouvoir, ce qui fait qu'il est ultra puissant, mais il contrôle rien du tout. Et la série est très très drôle. Bon, Spurrier, il est complètement taré, de toute façon, ce mec-là. Et le trailer a l'air très très intriguant, pas trop ce qu'ils vont en faire, mais... Quel comics tu conseillerais dessus? Est-ce que ça a l'air intéressant, en fait? Maintenant, celui-là, la Légion de Simon Spurrier, c'est Tang Wen-Watt au dessin, plus ou moins. Il s'est sorti en français, je crois qu'il y a trois reliés, genre... Je sais pas, Nini ou quoi. Ouais. Et vraiment cool, c'est très très drôle. Enfin, moi, c'est vraiment drôle. La moitié se passe dans sa tête, où il se parle lui-même avec des haut-parleurs. C'est vraiment barré. C'est un espèce d'indé chez les X-Men, pas trop connu, mais vraiment vraiment cool. Du coup, bon, je pense pas qu'ils adaptent ça parce que bon, ça serait juste énorme. Mais mine de rien, le trailer, vraiment vraiment intriguant. Je suis très curieux de savoir ce qu'ils vont faire. Ok. Bon, bah tu nous as vendu un peu du rêve. ils vont un peu perdre les spectateurs aussi, hein, avec parce que ça occupe. Mais même au niveau de la, Parce que ça n'a aucun rapport avec les films, du coup. Il faudrait voir, c'est une grande question. C'est que le pilote, là, pour l'instant. Oui, non, mais je veux dire au niveau de la série, vu que c'est le fils de Xavier, oui, enfin, il n'y aura aucun rapport. On verra pas Xavier, et, je pense. Ouais, mais vu que c'est produit par Singer, en plus, et les gens, ils vont, enfin, ça va être compliqué au niveau de là. Bah, pourquoi pas. Bah, ça se trouve, ça aurait peut-être un rapport ça comme... Ça se trouve, ce sera pas le fils de Xavier dans l'univers de la série. Oui, peut-être, ouais. Super puissant. On verra. Donc, on va passer à autre chose, et on va passer au ce que je vais appeler... Donc, ce que moi j'ai appelé les perdants de la Comic Con. Je pense que plusieurs personnes vont pas être d'accord avec moi. Alors, le DC Boy revient. Alors, c'est Marvel pour faire les perdants du coup. Voilà, je vais vous dire tout ce qui a été annoncé par Marvel, donc les perdants de la Comic Con. Il a fait un classe. Je parle des trucs bien à la fin. Et ils ont sorti toute une taille de nouveaux logos. Celui de Thor. Celui de Thor, il est ignoble. Meilleur film à venir. Moi, apparemment, c'est inspiré de World War Hulk, ça a l'air génial. Moi, je l'attends. Ça serait trop cool. Ah non, mais ils ont un problème de graphisme parce que le logo de Thor. Mais ça donne un côté rétro. Mais non, mais ça donne un côté rétro nostalgique. Mais ça donne un côté rétro nostalgique. Les trucs qui étaient avant, parce que j'ai vu sur Facebook, je crois que c'est Louis, qui a quelqu'un qu'on connaît, qui viendra peut-être dans un podcast d'ailleurs, qui avait un truc qui comparait les anciens logos et les nouveaux. Les anciens sont vraiment plus beaux et je sais pas pourquoi. C'est parti en mode, on met des couleurs partout. C'est non, mais c'est voilà, c'est vintage, c'est les Canon, c'est comme Fourier il y a quelque longtemps. Ils ont déliré total. Je vois pas du tout le rapport avec le plot du film, mais j'ai l'impression qu'ils ont craqué total sur ce film. Ils vont faire n'importe quoi, ça va être génial. Mais c'est ça, mais parce qu'ils veulent faire un buddy movie à l'ancienne dans les années 80. Ouais, bon, enfin voilà, du coup. Thor, c'est vraiment bah, ils veulent faire un World War Hulk, quoi. Ça va être non, ça va être juste. Il va aller chercher Hulk dans l'arène et après ils vont partir et ensemble et ça va être un peu du movie. Franchement, ça serait un bon délire, moi je trouve. Hulk alors, en armure. Pour rester sur Thor Ragnarok, ils ont montré que c'est inspiré librement de Planète Hulk et pas War Hulk. Oui, ouais, Planète Hulk, je voulais dire, excuse. Et on a vu une espèce d'armure. D'armure, ouais. Franchement, c'est super moche. Bah on peut pas juger, on l'a même pas vu sur Hulk. Ouais, attends, on l'a même pas vu sur Hulk. Vas-y. Non mais je veux dire, il faut jamais juger les images de tournage parce que c'est brut. Non mais il faut le voir, porter et il faut le voir avec le traitement du film, avec le traitement de l'image, ça va donner autre chose. Voilà, attends, je prends l'exemple. Je suis désolée, je prends l'exemple par exemple du remake de Robocop. Quand tout le monde a vu l'armure sur le tournage, on dit putain, c'est de la merde et tout. Mais dans le film, c'est pas si mal ressorti. Elle est bien que ça, l'armure. Franchement, voilà. Et les gens seront prompts à juger sur des choses qui ne sont pas finies. Donc voilà. Par contre, moi, ce qui m'intéresse dans ce Thor, c'est qu'il y a quand même une réunion Lord of the Ring avec quand même Kate Blanchett et notre ami Karl Urban qui s'est rasé la tête. Ça y est, elle a casé quoi. Ouais. Et bah, on va passer à autre chose parce qu'on s'emballait un peu. Enfin, franchement, tu t'emballais. Non, mais j'allais dire pareil que Tom, à mon avis. Non, moi j'ai la hype sur ce film. Ouais, moi aussi. On en parlera, à mon avis, tout après dans les trailers, parce qu'il y a le trailer qui est sorti d'un prochain film Marvel qui, du coup, me branche beaucoup moins. Et j'ai vachement plus de hype sur Thor que sur le reste. Okay. Mais bon. Et bah, c'est novembre 2017. Tu prends ton ça va être long, quoi. Novembre. Ça sera mon anniversaire, c'est génial. Ouais, il y a 14 ans, quoi. J'aurais enfin mes 13 ans. C'est pas en novembre aussi que Justice League sort? En novembre 2017 aussi. Ça va. Thor contre Justice League. Toi, ton mois d'anniversaire va être cool. Ah, ça, c'est sûr. Merci. Peut-être qu'il aura tort de sortir en novembre. Non, putain, fait que je la place. Non, c'est vrai. Alors, on va changer. On va passer à Black Panther. Bizarrement. Alors, on sait maintenant que Michael B. Jordan, celui qui incarne Creed dans Creed. Rocky. L'héritage de Rocky. Ouais, voilà. Donc, il jouera Eric Killmonger, un vilain formé par Ulysse Klaue. Donc, Ulysse Klaue, attention, elle n'a pas fait le rapprochement. Ulysse Klaue qui était joué par... Andis. Que tu connais. Par Gollum. Il y avait Gollum, c'est trop bien. Meilleur personnage du monde. Putain, elle m'arrache le micro des mains. C'est donc joué par Andy Serkis dans... Et il fait Snoke. Oui, il fait Snoke. Et il fait le capitaine Haddock dans Tintin. Et le cuisinier dans King Kong. Il fait le singe dans la planète des singes. Le mec, il a pas un vrai rôle. Non, si, il fait quand même Klaue dans Avengers. Bah oui, c'est oui, il est Klaue dans Avengers. Le cuisinier dans King Kong. Donc, on sait que maintenant que Lupita Nyong'o incarnera Nyaka. Vascaneta. Ouais, Vascaneta. Ouais. Ça va être une Star Wars réunion en fait. Le nom de l'actrice de qui joue Michonne dans Walking Dead. Ah ouais, elle va jouer dedans. Ouais. Je l'aime bien, elle est sympathique. Qui joue à la chef des Darem, enfin des trucs que je vous parlais tout à l'heure là, les gardes du corps de Chuck. Elle gère bien en action. Et Martin Freeman revient aussi. Martin Freeman. Ouais. Ah, c'est bon ça. Ouais. On va passer à tout est lié. Studio, toujours Marvel Studio, excusez-moi. Avec Spider-Man Homecoming et laissez-moi le temps de lire. Ah oui, c'est que bon, le trailer n'a pas fuité, mais les gens qui étaient à la San Diego Comic-Con ont vu un petit trailer de Peter Parker. Alors, est-ce que vous voulez que je vous lise le petit résumé du trailer où vous avez... Si, vas-y. Ouais, moi, je veux bien savoir. Alors, on pouvait voir... On ferme les yeux. Peter Parker, je m'imagine. Mais plutôt que suivre des cours, il travaille sa vie en tant que Spider-Man et notamment, il révisionne apparemment les combats de Civil War. Mais on le voit aussi en train de se déplacer sous un camion. Donc, on peut s'y attendre. On voit l'apparition du vautour qui serait sûrement joué par Michael Keaton. Ça serait cool. Ça serait trop cool. Birdman. L'armure du vautour est très très inspirée de celui de l'Ultimate. Il y a un concept art là et qui montre l'image du vautour justement. Et... Moi j'aimerais trop que dans Spider-Man on nous fasse un putain de Norman Osborn, mais vraiment cool. Mysterio, putain. Mysterio en film. Non, Mysterio, m'en fous. Mais... Le premier Amazing Spider-Man. Dans le premier, il était pas mal, mais dans The Amazing Spider-Man, je crois que c'était. Non, on est en train de parler d'Homecoming. Qu'est-ce que j'ai en train de dire? Oui, donc apparemment, c'est de la technologie Chitori. Je ne savais pas. Donc, on a vu le truc du vautour avec un espèce de masque et l'espèce de truc de. On dirait un. Dans, sur ses ailes, les trucs d'Hélice de Harry Potter. Donc, moi, ce film, je crois que c'est le film qui me hype le plus sur Marvel. C'est peut-être un ancien film. Oui, non, Spider-Man, moi aussi. Bah moi, Spider-Man, c'est mon personnage fétiche depuis que je suis né. Donc, de casting et on a vu des photos des gens qui étaient au Comic-Con. Et franchement, le casting a l'air super cool, super sympa. Ça a l'air rafraîchissant. On a déjà eu 5 films de Spider-Man. Moi, franchement, Spider-Man, je l'attends pas du tout. Ah non, mais moi, Spider-Man, c'est tellement. J'en ai un peu marre. Moi, je suis gros fanboy de Spider-Man. Pareil, c'est le personnage fétiche de Marvel, quoi. C'est. Ah, du coup, c'est quand même pas mal qu'ils reviennent un peu aux origines. Ouais, pourquoi pas, ouais. Un film qui se passe dans le lycée, un peu teenager. Ouais, ce serait cool. Ce serait cool. Ah, mais là, je dis ça, pour l'instant, c'est rien du film. Et dès que la première bande-annonce va sortir et tout, peut-être ça va remonter pour moi. Voilà, mais pour l'instant, quand on m'a dit qu'il allait avoir un nouveau Spider-Man, c'est toi qui vas conduire le hype train. Le seul truc qui me dérange, c'est que le vautour, c'est pas un personnage que je trouve hyper intéressant non plus. Putain, moi, je le dis. Mais Michael Keaton. Ouais, mais je trouve. Ouais, comme je l'ai dit tout à l'heure, un bon fond vert serait. Oui, Birdman, mais bien sûr. Michael Keaton. Oui, mais Michael Keaton est génial, mais je veux dire, le vautour, c'est pas un perso de ouf. Ça dépend comment tu le vends. Après, moi, Octopus était très bien dans le 2. Octopus était très bien. Le type n'était pas méchant, tu vois, il n'était pas très manichéen comme personnage. Le vautour m'intéresse à la limite, encore une fois, si on parle de Keaton. Enfin, ça sera peut-être pas comme ça, mais voilà, une espèce de mec un peu sur le retour, un peu. Enfin, un gars de la rue, entre guillemets. Enfin, non, il y a moyen de creuser. Ils font des bons méchants. Mais c'est vrai que, par contre. Moi, je trouve chez Marvel, ils font pas des super méchants. Bah, ce que j'allais dire, en fait, c'est que justement. Je trouve que les meilleurs vilains. C'est pas un vrai méchant. Mais les meilleurs vilains, pour moi, ils viennent vraiment de Spider-Man. Oui. Venom, le bouffon vert, pour moi, c'est vraiment mes deux préférés. Oui, non, oui, je veux dire chez Marvel. Ouais, chez Marvel. Tu vois, je trouve que les vilains de Marvel. Dans tout l'univers super-héroïque, tu regardes les meilleurs vilains, c'est Spider-Man et le Batman. Ouais, mais c'est mes deux personnages préférés en tout cas. C'est. Bah ça joue de toute façon. Et là, le premier Spider-Man avec le Osborn, moi qui était complètement taré. Ouais, il était bien joué quand même. Ouais, William Dafoe, voilà. Mais des fois, il surjouait un peu sur certains moments. Il surjouait vachement. Ouais, ce que j'étais en train de dire, il surjouait des fois. La scène où justement il se parle avec un effet de miroir là, qui rampe sur le sol. Et tout. Oh, c'est les films américains après. Mais moi, j'avais beaucoup aimé les versions de Sam Raimi, à part sur le 3 qui est vraiment. Moi, je préférais James Franco que William Dafoe. J'adore James Franco comme acteur. J'adore. Il peut tout jouer. J'avais beaucoup aimé L'homme de sable. Il était touchant. Ouais, il était touchant et tout. Après, puis je me rappelle les effets en numérique quand j'étais petit, ça m'avait impressionné. Dans le sable. J'adore Topher Grace et tout, mais je suis déçu. Juste, moi, le film, j'ai envie de le voir parce qu'il y a un casting qui donne envie. et que le petit là, qu'ils ont pris pour faire Spider-Man était vraiment le seul bon truc de Civil War. J'avais beaucoup aimé Civil War, mais Spider-Man était... J'ai peur d'être déçu après comme Amazing Spider-Man, tu vois. Non, mais Amazing Spider-Man, je ne sais pas déçu non plus. On va passer, ça fait 1h14 que nous sommes sur ces putains de news. Ouf. On a envie d'en finir. Et Comic-Con en même temps, voilà, il n'y en aura pas toutes les semaines. Oui, oui, c'est sûr. On va passer à un autre trailer, le trailer dont tu parlais tout à l'heure. Doctor Strange. Le film de Scott Derrickson, Doctor Strange, dont on a vu le premier trailer, enfin le premier, non, c'est le deuxième. Deuxième, ouais. Et un poster qui était très moche. Ah, il est très moche. Quand tu compares au poster de DC, par contre, le poster de Marvel... Des daltoniens, le mec qui est, il est... Pourtant, c'est pareil, c'est Disney. Hein. Ouais. Non, mais je sais pas, mais je me demande si les mecs qui font les posters et les logos, je sais pas, il est pas daltonien parce qu'il y a un problème de couleur. Hein. C'est... Et mais le trailer, moi, je Oula. Trouve fou, mais même pas épitant que ça. Quoi. Je sais pas, Thomas, t'as peut-être un Faye. Bah, moi, en fait, si je vais voir le film, c'est parce que de base, j'aime bien. Non, pas oui aussi, mais j'aime bien le perso. Je veux dire, je lis moins de comics que vous, et c'est vrai que voilà, c'est Doctor Strange, ça fait partie des quelques trucs que j'ai vachement accroché. Donc ouais, ça me tente. Après, bon, Benedict Cumberbatch, mais le reste du film me tente pas des masses, Ben quoi. Nicholson, après, ça dit que c'est Scott Derrickson, c'est ça, ouais. C'est lui qui a fait Emily Rose, l'exorcisme d'Emily Rose. Je crois, ouais. J'avais beaucoup aimé celui-là, mais j'avais beaucoup moins aimé son film d'après. Bon, c'était les extraterrestres, là. Non, le ah, film ouais. qu'il avait fait. Ouais, voilà, avec Bana. Avec Bana, ouais. Et ouais, c'est tiré d'une histoire vraie. Ouais, enfin, comme Emily ouais, Rose. C'était, oui, mais c'était basique, moins quoi, bien, c'était aussi. Plein de longueur et tout. Ah, si, du coup, si, j'ai si, un moi, peu peur. Et moi, j'ai plus aussi. Préféré l'exorcisme d'Emily Rose, qui était vraiment mais bien fait. Il avait pas fait un truc avec des extraterrestres, avec la meuf de Felicity là. C'est pas lui, hein. C'est pas lui, je crois que c'était David Inside, c'est pas ça. Non, c'était. Merde. Je sais plus, les autres, ou dans les intrus, un nom à la con. Ouais, mais c'était pas terrible. Il y a un gamin qui s'est enlevé. Pour revenir sur Doctor Strange, du ouais. coup, bah, on dirait qu'il part sur un truc un peu à la mode Inception, j'ai l'impression, au niveau de ouais, la réalisation. Tout ça. Bah, ouais, mais après, moi, franchement, je trouve pas ça ouf, ça m'intéresse pas trop. Je trouve comment pas tu que... vois l'univers de Doctor Strange à part que comme ça, quoi. Bah, c'est vrai, mais j'ai du mal à comprendre. Enfin, l'histoire de Doctor Strange en elle-même, je la trouve un peu débile en fait. Harry Potter chez Marvel. non, mais je sais pas. Je trouve que le Doctor Strange est super intéressant pour aider les personnages comme Spider-Man, souvent comme il l'aide. Mais un film à lui-même, je trouve pas ça ouf. Un peu comme Ant-Man, pour moi, c'est pas un personnage très alléchant, Doctor Strange en fait. En fait, oui, j'allais aussi comparer le film. Bon, le film est pas sorti, bien sûr, Doctor Strange, mais la bonne annonce m'a refroidi direct parce qu'au début, je pensais vraiment qu'ils allaient partir dans un truc ultra mystique, ultra. Même psychédélique, ouais, mais là c'est too much. Quoi. Ouais. Limite un truc vraiment centré sur le personnage, très très. Pff, là, il y a quand même des villes qui s'entrechoquent dans le trailer et tout. Et j'ai un peu l'impression qu'ils font la recette Ant-Man. Ça va être un. Ça va être un espèce de blockbuster, encore une fois, qui est très très. C'est la recette Marvel. Pff, ouais, voilà, et c'est vraiment dommage. C'est vraiment la recette basique, j'ai l'impression, en fait. Oui, du coup, ils ressortent. Tu regardes Cap 3, c'est ça, ils ont leur recette et ils l'appliquent. Cap 3, alors les Captain America, je trouve qu'ils ont une petite saveur particulière, notamment avec les frères Russo, en termes ouais. de photographie, en termes d'action Captain et compagnie. Captain America 2 était génial aussi. Voilà, et là, pour le coup, j'ai peur que, encore une fois, avec Strange, on se retrouve avec un truc lambda. Ant-Man était sympa, je l'ai vu au ciné. Il était fun. Je le verrai pas en DVD, c'était je le reverrai plus, pas, quoi. Parce qu'il m'a pas marqué, il n'y avait pas vraiment d'empreinte. Là où James Gunn est arrivé à faire un truc quand même assez cool avec les Guardians, même si c'était un peu balisé, là, je m'attendais vraiment à quelque chose, une prise de risque de la part de Marvel. Et j'ai l'impression que ça va être basicos. Voilà, être le premier teaser, on dirait vraiment qu'il y a une prise oui, de risque. Voilà, en oui, fait. Le premier teaser. Puis même, ils avaient vendu un truc un peu psyché. Moi, je m'attendais limite à un machin Flower Power années 70. Le mec, il va prendre des produits. Ça va être. Hunter the Void. À la production ciné. Mais enfin, même au début, la première chose qu'ils ont dit, c'est on va pas faire d'Origin Story et tout. Et qu'est-ce qu'ils nous refont ? Ils nous refont une Origin Story. J'ai peur aussi d'un truc sur Doctor Strange, c'est qu'il fasse un peu la même erreur que sur Thor 2, si je me trompe pas, où genre il y a tous les univers qui s'entrechoquent, mais alors les Avengers, ils s'en battent les couilles en fait. Dans Ant-Man, l'univers était lié, et là j'ai l'impression qu'ils vont pas trop Avengers, le faire. Enfin, dans Thor 2, je veux bien que les univers s'entrecochent, mais ça dure 10 minutes, ils ont peut-être pas le temps d'arriver quoi. Enfin. Wow, et Iron Man, il arrive, oui. Et boum. Il est aux États-Unis, il met peut-être pas. Hulkbuster, bim bam boum, et c'est fini. Ouais, non, c'est un nom important, ça, parce que tu lis n'importe quel comics, tu veux te dire la même chose. Oui, mais c'est pour ça, après c'est une question d'adaptation. Non, mais après c'est une question d'adaptation, ça c'est. On peut pas faire du comics au cinéma comme comics case par case, ça serait jamais possible. Oui, non, c'est... Je veux dire, quand tu... c'est pas le même format pour moi. Oui, je sais, mais c'est pour moi c'est un changement de format en fait. T'as tout Manhattan qui est envahi par des gens avec le pouvoir de Spider-Man. Et tu te dis, mais pourquoi Tony Stark et Thor, ils viennent pas casser la gueule aux méchants? Bah non, parce que ouais, je sais, mais le film, c'est un film Thor ou c'est un film Doctor Strange. Non, mais pour moi c'est pas possible de faire, parce que l'univers, le MCU, ils veulent faire quelque chose de quand même assez cohérent. C'est quand même très éloigné des comics. Le format comics a toujours été comme ça, alors qu'au cinéma, ils veulent faire une sorte de saga-série et ça se respecte pas très bien. Daredevil, justement, c'est lié. Il y a des clins d'œil à Jessica Jones. C'est plus. Mais là, à la limite, je pense que dans Thor 2, c'est que l'explication qu'ils avaient donnée, parce qu'on leur avait posé la question, c'était qu'Iron Man était dans Iron Man 3 et Captain America était dans le soleil d'hiver. Ah, ce qui est une explication. Voilà. Ouais, par contre, pour le coup, l'inverse, dans Ant-Man, la scène avec le faucon, elle est pourrie, elle est pas bien. C'est vrai. Elle est forcée. Elle est forcée de. Elle sert à rien, elle était incrustée totale. Alors, d'un autre côté, effectivement, des fois, tu l'as pas, tu te dis, c'est dommage, mais quand tu l'as. Ouais. Mais au moins le fait qu'ils en parlent, tu vois, genre oui, après oui, tu peux. On y aura râlé parce qu'on a pas vu. Justement, cette scène du faucon, enfin c'est pour ça qu'Edgar Wright est parti, hein, c'était tout ce que Marvel voulait lui imposer, mais nous des trucs on veut que ça parle des Avengers. Ouais, bah après c'est le fameux problème des cahiers des charges qui a un peu détruit BVS quoi. Mais ferme-toi. Bon, la news suivante. On va passer à un nouveau film. Donc je voudrais qu'on me rappelle à quelle phase on est, s'il vous plaît. Phase 3. On a un film de la phase 4. Enfin, on a un putain de perso féminin qui débarque avec son propre film. Ils ont attendu 3 phases pour faire un putain de film avec un perso féminin. Et moi, je trouve que c'est vraiment... je pense que Faye est d'accord avec moi. Je pense que tout le monde devrait être d'accord avec moi. Je trouve que c'est une vraie honte de ne pas mettre des persos féminins en avant. Parce qu'il y a les petites filles qui ont envie de s'identifier à des persos de super-héros. Juste Black Widow pour pourquoi l'instant. Pourquoi toujours en retrait? Black Widow pouvait être intéressant, pas assez bossé. Joss Whedon l'a dit à son panel, il a dit, moi je reviens que si je fais un film Black Widow. Ouais, c'est ce qu'il a dit, ouais. Et donc, là, on arrive avec Captain Marvel. Moi je trouve ça cool parce que Captain Marvel, c'est un personnage assez cool. Et on apprend qu'elle est incarnée par une actrice qui est assez sympa. Brie Larson. Brie Larson qui a joué dans un des meilleurs films, le meilleur film de 2016, on le sait tous, c'est BVS. Mais le deuxième, c'est The Room. Rogue One. The Room. Bon, le troisième, si tu veux. Le troisième, c'est The Room, parce que The Room, si vous ne l'avez pas vu, franchement, voyez The Room, c'est vraiment un film. Mais ne vous trompez pas de film, parce qu'il y a un film qui s'appelle The Room, qui est par Monsieur Tommy et Wiseau, qui n'est pas pareil. Ce n'est pas le même. Ouais, celui-là fait peur. Celui-là fait peur. Donc, bon, on ne va pas parler de The Room, mais enfin, c'est un super film, allez le voir. Ouais. Et c'est Brie Larson, donc une super. Et il y a eu une rumeur, enfin, rumeur spoil. Enfin, rumeur, comme quoi elle pourrait faire sa première apparition dans les Gardiens. Non, ça a été annoncé, ouais. Comme quoi elle mais est-ce que je m'excuse, mais j'aime beaucoup cette actrice, très gentille, machin et tout, pas de problème. Mais je trouve pas que physiquement elle aille pour le rôle. Enfin, je trouve que Starbuck elle allait vachement mieux. Pourquoi qu'ils l'ont pas prise? C'est pour l'âge. Ouais, mais enfin, à chaque fois qu'on a pris un acteur, on s'est dit, il va pas du tout bien faire le rôle. Bah après, il faut voir maquiller, mais s'habituer. Ça dépend de la prestation, parce que t'as des gens, des fois, les prestations. Les gueules changent tellement. Enfin, tu la regardes dans les années 2000 où elle était Miss Marvel, et tu regardes maintenant où elle est Captain Marvel, elle a plus du tout la même tronche. Non, mais tu peux être surpris. Moi, Captain America, j'y croyais pas une seconde. Hein, et pourtant, Chris Evans, c'est formidable. Quoi. Et juste pour rebondir sur ce que tu disais, sur le fait que ça fait un peu tard pour qu'il y ait une femme qui ait son propre film, je vous rappelle que lorsque le Star Wars est sorti, Force Awakens, des mecs ont gueulé parce qu'il y avait un black. Ouais, et parce que c'était une héroïne qui était. Qui c'était une héroïne, et qu'il n'y a pas très longtemps, on a appris que dans la galaxie Star Wars, il y avait des gays, et que les mecs ont gueulé aussi. Et que dans l'affiche Star Wars en Chine, ils ont supprimé Finn de l'affiche parce que ça choquait tout le monde. Donc finalement, en France, on est en avance peut-être à ça. C'est pas le cas de tout le monde. Mais il y a certains pays, c'est. Donc à la limite, moi, j'aurais plutôt tendance à dire le. Oui, voilà, c'est pas qu'on est en avance. Oui, non, mais à la limite, moi, j'ai plus le côté positif du truc, c'est qu'ils vont le faire. Ils essaient. Ouais, mais quand tu vois Warner qui fait ça direct, Wonder Woman, et réalisé. Non, le plus important, c'est que c'est réalisé par une femme, Wonder Woman. Alors que sur Marvel, on attend toujours. Mais à la limite, excusez-moi. Voilà. Parce que DC, ils sont arrivés après. Donc, du coup, ça va être en même temps que Marvel. Enfin, je trouve, moi, je suis plus du côté. Non, mais il faut voir le côté positif des choses. Faut voir le côté positif des choses. C'est enfin, on va avoir un film, justement. C'est cool qu'il y ait enfin un film. En plus, sur un personnage qui puis vraiment, elle est badass, elle est cool. Enfin, dans les comics, elle est vraiment sympa. Mathieu. Mathieu. Putain, ça, on sait pas comment on s'appelle. Ouais, puis Gilles. Et par contre, oui, enfin, Wonder Woman, c'est la base. Heureusement qu'ils font un film Wonder Woman. Ouais, s'il y a une super-héroïne qui est connue, qui en plus est une icône chez, bon, pas chez les féministes, mais au moins représentante de la femme dans les super-héros, si, c'est elle. Féministe. Oui, mais voilà, pour le côté Amazon et compagnie. Donc à la limite, c'est heureusement qu'ils l'ont fait. C'est pas surprenant. Ça me surprend plus que Marvel tente Captain Marvel, qui est un peu plus obscur. Wonder Woman encore heureux, quoi. C'est la base. Mais du coup, tu disais, c'est bien qu'ils tentent tout le perso. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est que surtout Marvel, avec ce panel-là, ont montré qu'ils étaient en train de s'auto-étouffer. C'est-à-dire, ils appliquent leur recette, ils font rien de plus. Ils continuent à rester sur leur base, ils prennent pas de risques. Alors qu'à côté, on a quand même Warner, ok, qui est nouveau, mais qui essaie d'écouter. Ouais, mais, ouais, mais regarde. Non, mais ils n'écoutent pas leur public, c'est-à-dire qu'ils vont écouter que ce qui les intéresse. Alors que t'as des gens qui remettent en question. Regarde, Marvel, ils font des milliards au box-office. Oui, d'ici, ouais, ils ont fait 800 millions. Ouais. Donc. Ils vont pas arrêter leur recette, elle marche leur recette. Ouais. Les gens qui râlent, c'est les gens comme nous. Qui, mais c'est pas nous qui leur faisons. On va quand même aller voir les films. Oui, puis voilà, quoi. Comme vient de dire Tom, on y va quand même. Sauf moi qui ai boycotté X-Men Apocalypse. Mais hein, voilà. Hein. Donc on va enchaîner. Sachez que si vous aimez bien Brie Larson, vous pouvez la retrouver dans Kong Skull Island. Moi je voulais voter pour Catherine Winnick de Viking, mais j'étais. Voilà, on était deux. On va passer à Gardien de la Galaxie 2 avec les news de Gardien de la Galaxie 2. On a appris que le film allait reprendre juste après les événements. De quoi ? 4 mois, ouais. Moi j'ai vu 4 mois aussi. Moi j'ai vu 4 mois aussi ce matin. Je lis pas mes news, mes fiches. Comme il faut, ça va pas le faire. Donc quelques mois après le premier opus. On sait également que Baby Groot et Kid Groot seront de la partie. Super. C'est-à-dire que le bébé que nous verrons va grandir au long du film. On sait aussi que Yondu va arriver et qu'il va récupérer sa crête. Et j'aime bien cet acteur. Pourquoi Yondu va arriver ? Il était déjà ? Va revenir plutôt, oui. Ouais, l'acteur est formidable. Il était super dans Lost. C'est un habitué James Gunn, le type, il sait tout faire. Oh, mais il joue trop bien. Il était dans Walking Dead aussi. Et aussi dans Zombieland aussi. Il était dans Zombieland, il fait quel rôle ? Et dans un film avec Stallone, que j'oublie le nom. T'es un fan de Stallone ? Non, où il est dans sur une montagne de neige et Cliffhanger. Il est trop bien ce film. Ah ouais. On sort les archives. Ah, c'est mon enfant ça, attends. Cliffhanger. Mon enfant c'est Stallone. Ouais, ah mais trop, mais tellement. Arrête où ma mère va tirer, il est trop bien ce film. Attends. On va enchaîner. En parlant de Stallone, Stallone va jouer dans Les Gardiens de la Galaxie 2. Oui, mais c'est bon, c'était la fin de ma news, fils de... Est-ce qu'il va dire Zolo ? Non, il ne dira pas Zolo, parce que c'est Karl Urban maintenant qui urbanise. Oui. C'est cette critique-là. Donc, on va continuer. Et on apprend également que... ah putain, mais c'est quoi ce nom de merde ? Pomme Clémentieff. Donc je ne sais pas qui est cette actrice. Une actrice, en tout cas. Celle qui fait... Mantis. Ouais, bah tu regarderas des photos. Elle est quand même. le petit commentaire. Elle est... je cherchais un lien avec le nom. Non, c'est juste qu'elle est intéressante. Hein. Oui. Elle a un très bon jeu d'acteur. Oui, c'est une. T'as un commentaire peut-être. Moi j'attends que tu parles de Kurt Russell. D'accord. Tu l'as que sur Kurt Russell de ce podcast ? D'accord. Un très bon film avec Kurt Russell et Sylvester Stallone. C'est à moi que je. Pas les Gardiens de la Galaxie, c'est Tango et Cash. Tango et Cash, très bien. Et il y a Terry Hatcher, me semble-t-il, dans ce film. Tango et Cash. Ouais, c'est trop bien. Ah, c'est le film culte Enforcer de l'époque. C'est juste formidable. C'est magnifique. Alors, on sait que Elsa Bidiki. On s'en fout. Sera Aisha. Ou Aisha. Aisha, peut-être. Classique de l'univers. Aisha. Où elle est ? C'est écrit où ? En gras. Surtout ça. Aisha, moi je dirais. Aisha. Classique de l'univers cosmique qui devrait être réinventé. Et on sait que j'attends. Kurt Russell sera Ego, la planète vivante. Mais il a trop de charisme. Le papa de Star-Lord. Mais attends, c'est trop bien. Tu les vois à côté, tu y crois trop, quoi. Attends. Ouais, c'est la beauté. Je m'en fous. Moi, je veux avoir Kurt Russell comme père. Je sais pas si vous avez vu les photos d'Entertainment Weekly. Enfin, Entertainment Weekly a pris. Après un shoot avec toutes les équipes. Non, mais chaque année, ils font des portraits au Comic-Con. Ils ont fait des portraits de tous les castes des films et séries qui sortaient. Ouais, trop bien. Tout le monde est assez serious business sur les photos, sauf un seul, Chris Pratt, qui fait une tête pas possible. T'as tout le cast, vraiment, une bonne partie du cast de Gardiens de la Galaxie qui sont là, qui sont normales. Et lui, c'est super visuel. Comment je vais faire une grimace Bon, écoutez, on vous mettra la photo. Ça sera plus simple. Vous verrez. En tout cas, cette photo, elle est géniale. Allez la voir, elle est géniale. Et au moins, rien que pour Kurt Russell, j'y vais. On sait aussi que Sylvester Stallone, ouais. Alors, un personnage qu'on ne sait pas qui peut-être qu'il va doubler un perso. Ouais. Comme c'était qui avait fait Bruce Campbell qui avait fait ça dans le pro. Dans le... Non, c'est Nathan Fillion. Nathan Fillion, oui. Voilà. Il a fait une apparition comme ça. Dans la prison, ouais. Ouais. Mais Bradley Cooper, il n'était pas de. Bradley Cooper, il fait le Rocket Raccoon. Oui, et Vin Diesel aussi, ouais. Ah ouais. Même Baby Groot, il va faire. I am Groot. Trop mignon. Et on sait aussi que Gardien de la Galaxie va avoir sa propre attraction. Attraction au parc Disney. Mais c'est de l'arnaque, je dis, c'est la Tour de la Terreur qui vont relooker. Avec Del Toro. Guillermo Del Toro. Non, pas Guillermo, l'autre. Benicio Del Toro. Oh, putain, alors lui, tu vois, c'était le seul que j'ai pas aimé dans les Gardiens. Donc voilà, bon, j'ai fini avec Marvel. Ouais. Un commentaire sur la façon dont Marvel a perdu ses... Alors, ils ont bien fait de prendre Kurt Russell, c'est tout ce que je dirais. Moi, je trouve que c'est sûr, il y a eu plus d'annonces chez DC, on va en venir juste après. Il n'y a pas plus d'annonces. Il y a plus d'annonces chez Marvel, mais il y a plus d'annonces alléchantes chez Warner. Parce qu'ils en avaient besoin, Warner. C'est vrai, mais... Non, mais il a raison, parce qu'on leur a foutu la merde. Bon, on va enchaîner avec les gagnants. C'est... Le petit. Alors, allez, petit, vas-y. Je vais aller retourner au jeu Hobby. D'accord. Alors, c'est 19h, faut aller au lit, là. Vas-y. Non, mais j'ai rien d'autre à dire à part que t'es un DC boy rageux et c'est tout, quoi. Moi, je pense que tout le monde a perdu dans le Comic-Con. Non, les gagnants de la Comic-Con sont le Warner, qui a dévoilé le premier trailer de Wonder Woman, où on voit Diana qui découvre... Wonder Woman. C'est une fille. Oui, on voit Diana qui découvre le personnage de Chris Pine, dont j'ai oublié le nom, je ne l'ai pas noté. Bon, elle le trouve sur la plage. Je décris pour les gens qui n'auraient pas vu. Donc elle le voit sur la plage. Après, on l'a vu. Hein. C'est la petite tirage. Il y a des gens qui n'ont pas de connexion internet, tu sais. Coin de cache parental, c'est ça. Genre, je veux pas voir. Wonder Woman, c'est trop violent pour moi. un petit aperçu de Themyscira et des Amazones. Et après, on voit Diana qui casse des gueules en Europe à la Première Guerre mondiale. Est-ce que vous avez un avis sur ce petit trailer qui vous a aussi hypé que moi? Non, mais vraiment, je trouve que c'est l'une des bonnes annonces les plus alléchantes de chez DC, plus que Justice League. Et ça a l'air d'être un film assez bourrin et assez dynamique. Et ça me donne plutôt envie. Wonder Woman a l'air vraiment, vraiment classe. J'ai une question pour la caution cinéma de ce podcast. Je t'écoute. Combien de fois tu as regardé ce trailer? Plus de fois que Justice League ou moins de fois? Moins de fois que Justice League. Ah, quand même. J'ai dû le regarder 6-7 fois, je pense. C'est pas assez. League, un vrai DC Boy l'aurait regardé, l'aurait téléchargé, l'aurait mis en écran cinéma. Après, j'ai déjà le fond d'écran, c'est Wonder Woman. C'est déjà ça. Mais beaucoup de bandes annonces me hype et à la fin je suis déçu par le film. Je sais que je vais aimer ce film, mais je préfère garder mes réserves. J'avais adoré la bande annonce de BVS, je trouvais ça. Énorme. J'ai aimé BVS, mais... Mais c'était un peu nul, quoi. Non. J'ai aimé Dieu. Oui, moi, la BA me hype beaucoup. Je trouve que, ne serait-ce que les 40 secondes de scènes d'action enterrent les scènes d'action de BVS. C'est le moment où elle glisse. C'est classe. C'est ultra badass. C'est vraiment classe. C'est ultra péchu. Ouais, je suis vraiment, vraiment hypé. Beaucoup plus que par le reste. Notamment Justice League, on en reparlera tout à l'heure, m'a vachement calmé. Mais Vas-y. Moi, je trouve que DC était plus parti à la base avec BVS. Je suis désolé de revenir tout le temps sur BVS, mais ils étaient plus partis sur un parti pris un peu plus sombre et avec un propos derrière. Et en fait, déjà sur BVS, le propos n'était pas forcément là. Et je trouve que en vrai, ils se rapprochent pas mal de. Je suis désolé de dire ça, mais un peu du MCU. Du coup, ça va être un film bourrin avec de l'humour finalement, et ouais. Leur parti pris est un peu. Non, alors là, je rejoins tout à fait Thomas. Ça, c'est un, C'est bah, juste deux minutes, c'est un gros truc que je reproche, enfin que je reproche plus ou moins à Warner. J'adorais le parti pris de BVS d'être dark, qui est pas d'humour. J'ai pas compris la polémique comme quoi c'était pas drôle. Qu'est-ce qu'on s'en fout que ça soit drôle. Du coup, je suis très très inquiet et par le mini reshoot de Suicide Squad pour rajouter de l'humour. Ouais. Je suis très inquiet par la bande annonce de Justice League qui a l'air fun, mais si c'est pour voir les Avengers chez le DCU, ça ouais, m'intéresse pas. Ça. Ça m'intéresse pas trop. Et c'est vrai que Wonder Woman passe un peu au travers, ça, elle est quand même assez sérieux. On en parlera tout à l'heure du trailer de Justice League, mais oui, je te rejoins tout à fait. J'adorais le côté super sérieux de BVS et je suis déçu qu'ils baissent pavillon comme ça pour faire du cool, parce que en tant que spectateur, on l'a déjà par ailleurs. Voilà quoi. Mais le trailer de Wonder Woman, il est pas drôle, il est juste. Non, mais voilà, lui, et tu regardes le trailer. À la limite, mais. Quand même, ça se montre comme un film gros blockbuster. Oui, on n'est pas sur Justice League, là, on est sur Wonder Woman. Wonder Woman, par contre, oui, là, il n'y a pas de problème. Oui, sur Wonder Woman, oui, ça, à la limite, lui, il a l'air assez sérieux, ça a l'air assez badass. Mais je suis quand même inquiet par le reshoot qu'ils avaient fait sur Suicide Squad et la suite du truc. J'espère qu'ils vont. Est-ce que Faye peut donner son avis? Est-ce que tu as un avis sur Wonder Woman? Je crois que c'est le seul film qui te hype. Ouais, franchement, c'est la seule bande-annonce qui m'a beaucoup hypé. Et j'ai trouvé plein de fois que Wonder Woman, elle avait un côté Xena. Alors moi, ça m'a plu. Au niveau des bastons et tout. Quoi, ça, en même temps, c'est une Amazon. Ouais, non, mais j'ai beaucoup aimé. On sent que l'actrice, elle est, ouais. On sent que l'actrice, quand même, elle a l'air de bien gérer les scènes d'action. Après, je rejoins mes petits camarades. C'est vrai que j'avais beaucoup aimé l'esthétique et la manière de traiter le super-héros donc, qu'il y avait dans Batman vs Superman. Et c'est vrai que j'ai envie maintenant de voir... ces choses-là, pas le Marvel Univers, j'en ai eu assez là. Je veux qu'on analyse, qu'on voit les thématiques qu'il y a autour, qu'on voit ce que ça peut apporter. Voilà, ouais. Une femme Amazon, il y a des choses intéressantes à voir autour bien, par rapport à l'époque. Il y a plein de trucs y a à voir. Un peu féminine, enfin, oui, bah genre à la fin, c'est quoi une secrétaire? Ah bah vous faites ci, ça. Ah, c'est trop cool, c'est de l'esclavage, vas-y. Une thématique féministe. Ouais, mais oui, oui. Après, ok, donc vous voulez quelque chose de plus sombre et tout, mais il s'est fait défoncer par les critiques BVS. Tout le monde lui disait. Attends, la plupart des critiques n'ont pas vu le film. C'est ça qui m'énerve. Oui, tu fais une critique, tu dis pas. Mais là, les critiques, tout le monde a craché sur BVS, ils vont pas refaire la même chose que BVS. Mais tout le monde va recracher dessus. Mais moi, je trouve pas que le parti pris qu'a pris BVS a été forcément bien respecté après. Hein, mais je suis d'accord à ce que tu dis, mais les critiques ont quand même descendu en disant c'est trop sombre, c'est trop. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, mais après, moi, je suis pas d'accord avec les critiques. Vous avez dit ça, on va vous refaire la même chose, vous avez pas aimé, on va vous remettre la même. Ils sont contents de faire ça, c'est normal qu'ils écoutent. Il y en a plein, ils ont bâché le film sans avoir d'arguments très concrets. Moi je t'ai apporté chacun des arguments un par un. J'ai démonté tes arguments. Non. Et pour revenir à ce que. Tu as ragé. Et pour revenir à ce que Mathieu disait sur Suicide Squad, sur les reshoots, mais c'est de leur faute aussi à DC, ils ont vendu une bande-annonce qui donnait envie, qui était fun et tout, pour à la fin nous sortir un film qui n'est pas fun, du coup. Mais je trouve ça dégueulasse qu'on ait descendu. Bon, ok, ça se fait à Hollywood et tout, on se doute qu'il y a un complot, on va pas rentrer dans les affaires, mais c'est dégueulasse quand on se dit journaliste, professionnel, critique, qu'on se permette de critiquer un film sans l'avoir vu, ou qu'on critique en disant ah, j'ai pas aimé, c'est pas drôle, j'ai pas aimé parce que son costume est pourri. C'est pas ça, critiquer le scénario, critiquer le jeu d'acteur. Je veux dire, Snyder. Oui, il y a un scénario. Je suis désolée, il y a des thématiques intéressantes, il y a des choses que j'ai aimées. Non, mais après je finis mon propos, James. Non, mais je veux repartir sur ce qu'on dit là. Il n'y a pas que les Américains, mais même la presse. Les gens sont des moutons. Moi, je suis un site très bien, l'étoile héroïque, et lui, j'adore ses critiques à chaque fois, et il a été très constructif dans sa critique. Mais il y a des gens qui ont fait des critiques, c'est normal, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Donc, il y a des gens qui ont fait des critiques négatives que j'ai trouvées intéressantes parce qu'ils avaient une bonne analyse. Mais il y en a. Attends, j'ai pas fini de parler, merci. Et il y en a qui ont posté de la merde. Et là, moi, ce qui m'énerve, c'est que d'un côté, on a Warner avec Wonder Woman qui dit ok, on va faire un peu moins sombre, mais qui a l'air de faire un truc sérieux qui va dépoter. Et en même temps, d'autre côté, ils sont fait oh, on a peur aux miquettes, alors on va retourner des scènes pour mettre du. Oui, pour mettre du lol. C'est des expressions. Aux États-Unis, on a peur aux miquettes. Voilà. Mais oui, voilà, et ils sont là, on va faire du lol, on va enlever des shorts et des machins pour plaire aux gens. Mais les gars, assumez, vous faites autre chose. Pour plaire aux gens, comme tu dis, ils font un film pour les gens. Mais c'est pour plaire pour qui? Aux gros porcs sans cervelle, c'est tout. Qui vont faire un milliard de bénéfices. Et ben oui, pourquoi? Parce que les gens sont des moutons. Il y a des gens qui râlent. Je reprends. Me faire engueuler, c'est pas grave. Le moment impliqué de l'émission. Sylvain Roux de Comics Blog a râlé sur le film en disant que c'était de la merde. Sur Twitter, il crachait sur dessus. Enfin. Moi, j'étais limite à le unfollow tellement il m'avait saoulé sur ça. Mais quand tu regardes sa critique de l'Ultimate, je crois qu'il a mis Je sais plus, je crois que c'est 7. Il a quand même mis 7. À 7 sur 10 à la critique de l'Ultimate. Alors franchement, moi je suis d'accord que l'Ultimate est très bien, mais il y a 30 minutes de film en plus, ça valait pas le fait de le descendre à ce point-là. Ouais, mais ça change quand même toute la compréhension du film, ces 30 moi, minutes. Je hein, pas... Ah, si. Oui, ça change tout. C'est fini, BVS. Ouais, on est sur BVS. Il faudrait parler de Justice League. Wonder Woman, ça a l'air cool. Ouais, ouais. Wonder Woman, c'est nouveau du rêve. Et le thème de Wonder Woman, c'est juste le... Ah, le thème tribal est formidable. Je sais pas encore, je vais peut-être l'utiliser comme générique. Vous aurez peut-être un petit... C'est celui qui avait fait la bande-son de Mad Max. Ouais, ouais, c'est excellent. Enfin, avec... ouais. Avec Hans Zimmer, ouais, c'est Hans Zimmer, ouais, avec Hans Zimmer. Il y aura un guitariste avec ah, des ouais. Ça serait trop bien. Je te ferai ça en animé. on va passer à... Alors, avant toute chose, je veux qu'on recontextualise ce mini-trailer. Enfin, je ne suis même pas un trailer. Donc, ça fait deux semaines que le tournage a commencé, du coup. Oui, donc je parle de Justice League, donc a été dévoilé un espèce de petit trailer tourné exclusivement pour la CDC, enfin pour la San Diego Comic Con, et pour les fans. Donc ça va ressembler un peu à ce qu'on verra au film, mais ça ressemblera pas, enfin c'est pas censé être le film. S'il n'y aura pas ces scènes dans le film, en fait. Non, c'est des films. Ah, c'est, d'accord. Si, il y aura ces scènes dans le film. Hein. Non, c'est sûr. Si, parce que il y a. Marqué au début, ouais. Ça a été tourné. Non, mais le montage a été fait. Parce que la scène où genre, on voit le Batarang et Flash, ouais, il y a des gens qui ont été invités sur le tournage et qui ont vu tourner cette scène spécialement pour le film. C'est juste le montage et la bonne son et tout qui a été fait. Mais sinon, les scènes seront dans le film. Hein. Ouais. Ah. Peut-être pas tout. À mon avis, il y a peut-être que celle de Flash. Non, je sais pas. Toutes les scènes seront dans le film. Hein. Bah, je. Bon. On ne sait pas. La caution cinéma du podcast nous dit qu'elles seront. Donc on va lui faire confiance. On en reparlera dans un an. On en reparlera dans un an. Quand même donc, dans un an. Pour les gens qui n'auraient pas vu, si vous ne l'avez pas vu, mais courez couper ce podcast et allez voir ce truc. Ou pas. On voit Batman qui va recruter des gens parce qu'il y a une menace, on sait que Darkseid va arriver. Donc... ouais, il avait plus une tête de... Mais le méchant, on aurait dit une sorte de Satan ou je sais pas quoi dans BVS. C'était oui, a priori, parce que c'est pas Darkseid de suite. Darkseid ne ressemble pas à ça, quoi, en tout cas. Ouais, Darkseid, c'est le Thanos de DC, quoi. Ouais, voilà. Donc, ouais, donc sûrement l'inverse. Il va voir Aquaman. Après, il va voir Flash. On le voit qu'il discute avec Diana. Et on le voit discuter vite fait avec Cyborg. Et le ton, ce que je vous rallier un peu, c'est que le ton de ce petit trailer est dans l'humour. Ouais. Batman fait des petites blagues. Flash fait des petites blagues. Mais moi, je tiens à dire quelque chose. J'ai aimé ce trailer. C'est toi. C'était le moment. Batman est hipster maintenant. Je l'ai dû regarder une centaine de fois. J'ai téléchargé le trailer pour pouvoir le voir mieux et pouvoir prendre des captures. Et son fond de couverture actuellement est la Justice League. C'est la Justice League. Il y a Jeff Jones, il a appelé, il demande ton RIB pour faire un virement bancaire. J'ai peut-être pas regardé une centaine de fois quand même. Hein. C'est ce que j'ai dit sur le groupe, enfin parce qu'on a une conversation de groupe, et je pense que après ce trailer, j'étais là en mode Warner, je suis ta pute. Ouais. Il m'a réveillé pour que je vois ça. Je l'ai réveillé exprès pour qu'elle la regarde. Elle était j'ai pas envie de la voir. Et moi, j'étais là, c'est trop bien, c'est trop bien. Bah excuse-moi, je regardais, on dirait Expandable. Hein. C'est comme quand Stallone, il va récupérer des gens pour faire une mission. Quoi. Ah non, attends, il y a Chuck Norris dans le 2. Il y a Chuck Norris. Il y a Chuck Norris dans le 2. Il y a Vandam qui est vilain. Vandam, elle est parfaite. Bah, tu peux pas, mais non, mais c'est juste un truc, excuse-moi, c'est une vidéo commerciale de présentation des personnages qu'il y aura, c'est tout, tu peux pas juger ça. C'est pour revenir pareil, si les gens n'avaient pas craché sur BVS, ils auraient pas du tout montré ça. Mais oui, c'est ça, c'est qu'ils ont peur, c'est ça. Ils vont dire, voilà, regardez les persos, ils fonctionnent dans leur rôle, ils fonctionnent ensemble, ça fait un joli groupe, vous voyez, vous allez être gâtés. C'est ça, c'est pour rassurer les fans. C'est tout. Moi j'ai adoré, franchement. Le Batman a l'air de faire des petites blagues et tout. Un petit Tony Stark. BVS. Voilà. Arrête avec BVS. Batman était vraiment dark et il tue des gens, tout ça, alors que là il a l'air mode à la cool. Il tue pas des gens, mais. Non, il fait des accidents de voiture, c'est pas pareil. Avec, C'est quoi littéral. Est-ce que. J'ai une enveloppe ici avec moi, tu vois. Le craquement de tête contre le sol, c'était. Le Batman dans Batman vs. Machin, le pauvre gars, il était déprimé, il était pas bien. Là, dans cette bande-annonce, il est content parce parce que Superman est mort. Spoil. Bon, c'est pas grave, il lui a donné l'espoir. Gros méchant va venir tuer tout le monde sur Terre, mais il est content. Voilà, mais il est content. Ouais, c'est cool. Il a un truc à faire, il se faisait chier dans sa Batcave. Il lui aussi, il a besoin d'amis. Hein, comme voilà. Il a trouvé un but dans sa vie, c'est comme Dr. Quinn, il a une famille. Mais qu'est-ce que vous pensez du design de l'armure de Cyborg? Parce que moi, je la trouvais très moche. Alors moi j'aime pas Cyborg et j'aime pas dans la bande. Bref, c'est pareil. J'aime pas Cyborg. C'est toujours pareil, il faut pas suivre au FX DBA. C'est vrai par mais contre, ça, j'ai en tout cas, j'ai cru lire qu'effectivement faut, là pour l'armure de Cyborg, elle va être perfectionnée derrière, tout c'est clair et net quoi. Mais pour le coup, c'est un peu bah à la limite elle fait un peu extraterrestre en fait. Mais ça par contre ça serait lié parce que c'est a priori la technologie c'est sur les Boomtum et compagnie des New Gods, donc ça fait boîte mère, il y a des chances que ce soit ça quoi. Moi je trouve ça cool. Moi je pense que ce qui je pense que c'est pas une mauvaise idée non plus de rapporter de l'humour, parce que Flash est un personnage quand même assez drôle et qui apporte. Mais que Batman en face, je trouve que bah du coup la relation entre les personnages sera pas. Il fait une blague dans le trailer, enfin je veux dire, il a le droit de faire une blague. Ouais, c'est mais dans BVS aussi, il fait une blague. Hein. Et il en fait une. Hein, bah, 50 minutes. Non, il dit, oh, je croyais qu'elle est avec toi en parlant de Wonder Woman. Enfin, à la fin, quand tu vois qu'il s'allie un peu avec Superman, tu vois qu'il est un peu plus détendu, qu'il fait des blagues. Quand il discute avec. Ouais, c'est avec Clark, ouais, il est marrant. Non, c'est vrai, c'est vrai. Mais ça a l'air trop d'aller dans ce côté-là. On s'arrête, il y a trop de discussions en même temps. Ouais. Je suis d'accord avec toi là-dessus, mais. Donc, moi j'étais en train de dire, parce que c'est. Il faut défendre BVS. Dans BVS, Bruce Wayne était marrant quand même. Et certains moments, ouais. Ouais, il est drôle, mais c'est un humour. Il est drôle, mais c'est un humour tendu du string. Ouais. Tu vois que le mec, il est borderline quand même. Mais non, là, ça a l'air plus en mode aussi, Tony Stark. Quand il dit à Aquaman, t'as vachement de pouvoir, et puis en plus tu parles aux poissons, c'est cool. Sous de sa gueule. Ouais. Ça. Oui, mais donc là, Tom disait que c'est juste une phrase dans le film, mais le ton du trailer, alors ça rapporte au débat qu'on avait il y a 5 minutes, et j'entends tout à fait les demandes de production qui demandent de faire du blé. Voilà, on est dans un système où il faut faire des milliards, c'est comme ça. Du coup, quand t'as la moitié de la planète qui te demande de l'humour, t'en rajoutes. Moi, je le regrette parce que je rejoins des camarades aussi, je préférais avoir un Batman badass, ouais. Borderline, limite Miller et compagnie. Carrément. Mais bon, ça a l'air cool, hein. J'ai kiffé aussi le trailer. C'est pas vraiment ce que je kiffais de voir. C'est pas le Batman que j'aime, en fait. Mais bon, j'irai le voir, ça a l'air sympa. Mais ouais, ça a l'air génial. Ouais, mais c'est quoi, c'est Avengers? Si c'est pour voir Tony Stark qui envoie des fions à Captain America en tapant sur Ultron, on l'a entre guillemets déjà vu. Mais encore une fois, t'as une logique de production qui fait que c'est pas sur ces blockbusters-là, pardon, que tu vas chercher des trucs un peu spécifique. Je respecte Warner pour leur parti pris sur BVS. J'ai pas vu l'édition Ultimate, j'ai envie de la voir par principe. Ouais. Parce que ça a l'air bien. Je respecte par principe ce film et j'aime pas trop le bashing qu'il y a eu parce que les mecs l'ont descendu. Mais moi j'avais l'impression qu'il avait descendu parce qu'au bout d'un moment il y a de la hype de descendre du film de super-héros. Ça fait 10 ans qu'on nous dit que les super-héros c'est mort, c'est fini. Alors qu'on en a toujours. On en a toujours. Kevin Feige a dit encore aujourd'hui ou hier qu'il y a jusqu'à 2025. Ouais. 2025, on va taper du film encore quoi. Du coup, bon, après, je comprends la logique, je trouve ça un peu dommage, mais bon, voilà, j'irai le voir, ça a l'air funky quand même, ça a l'air coolos, quoi. J'irai voir, ça c'est sûr, je crache sur tous les films d'ici, mais... Est-ce qu'on peut finir sur ça ? J'irai voir. Est-ce que c'est pas la conclusion parfaite ? On ira le voir de toute façon, oui. Ça a l'air cool. On n'a pas vu le film encore, donc on va pas juger sur une petite bande-annonce, en plus, c'est même pas pour le film. J'en étais où ? Donc on a fini sur donc Justice League, la conclusion c'est que on a tous envie de le voir au final. Je suis curieux. Moi je suis le conducteur. C'est pas de la curiosité, c'est de l'envie. C'est pas de la curiosité, moi c'est de l'envie. Moi j'ai trop envie de le voir. Ouais. Je suis trop fan du. Ouais. Comme ça va être un peu le fil conducteur de ce podcast, je sais que Maxime a beaucoup râlé à propos de ce podcast. Mais on l'emmerde, il avait qu'à être là. Bon anniversaire. Il a pensé quoi du trailer du coup ? Il a pas trop aimé, il a râlé à propos de Flash, je crois, et il a râlé à propos de Cyborg qu'il trouvait pas très beau, et il aimait pas le ton de ce que vous disiez. Cyborg m'a posé un mini souci dans la bande-annonce, tu le vois quasiment pas. Tu vois les autres, chacun à sa minute. Flash, Aquaman qui vend du Tahiti douche en prenant des grosses vagues dans la gueule. C'est tellement non, ça. Mais la scène, c'est la, toi qui m'as envoyé. La scène est formidable. Ah ouais. C'est Maxime qui l'a pris pour parfum. Ouais. Alors, mais je trouve. Je trouve ça excessivement badass, c'est cool. C'est quand même limite gay friendly, hein, le mec il se fout de la. Mais visuellement, après c'est Snyder. Moi Snyder, j'adore ce mec-là. Il fait des clips. Il a une esthétique que j'aime beaucoup. Oui, il a une esthétique qui. C'est un peu ce que je trouve. Bon, on va pas revenir sur BVS. Je trouve dommage à la limite que tu lui laisses pas les rênes. Et le mec il part dans un délire. Il mais on lui relaissait plus de liberté, ça aurait été. Ouais, par contre, je voulais dire sur le Flash. Oui, ouais, pour comparer, parce qu'on a une comparaison, je trouve que le Flash en une scène qu'on a eu dans ce petit trailer est quand même plus alléchant que le ptio là qu'il y a dans la série de CW, qui est un peu trop neuneux. Ce que j'ai dit dans Gosling. J'ai eu le malheur de dire dans la dernière vidéo où on était en Maxime et moi et qu'on discutait des news, où je disais que Ezra Miller faisait mieux en deux secondes. T'avais pris une formule un peu excessive. Je me suis pris une petite shitstorm en commentaire en disant que j'étais un enculé. Écoute, je me suis tapé moi les deux saisons de Flash. Alors, ce garçon a l'air très sympathique au demeurant, mais le problème, c'est que c'est pas cet talent d'acteur, c'est que il a un texte avec zéro truc à bosser là-dessus. Ouais. C'est toujours la même chose, c'est chiant, c'est horrible. Ouais, je rejoins Faye, c'est une cible et un style c'est de production. C'est des adolescents, c'est pas possible. Qui fait que ouais, le type, tu sens bien qu'il est bloqué dans son rôle. Moi, j'ai arrêté le Arrowverse et compagnie, entre guillemets, à cause de ça. Ouais, moi aussi. Oui, voilà, la dernière saison de Flash, c'était une horreur, c'était très mal écrit. Franchement, c'est drama que ça en peut plus. Ça en peut plus. Oh, et là, la saison, ils vont nous faire Flashpoint, là, mais ça va être du caca. Et en plus, ils ont pris Malfoy. Petit Malfoy. Et le pauvre gars, le seul truc qu'on lui a demandé de dire au Comic-Con, c'est « Ah, je trouve que Grand de machin, il ressemble beaucoup à Harry Potter, hein, oulala. » Merci, quoi, je l'imite. Non, mais sérieux, le gars, il a même pas parlé de son rôle. Excuse-moi, vas-y. Tom. Gilles. Non, Gilles, on t'a dit. Non, mais là, ça fait c'est Gilles. Moi, c'est pour venir à Ezra Miller. Ouais, vas-y. Non mais c'est débile. Et si tu veux qu'on parle de Arrow vite fait aussi, je suis bien content. Je suis bien contente qu'il soit pas dans Justice League. Non mais je dis juste. Stephen Amell. Finalement on va pas parler de Ninja Turtle, mais Stephen Amell, il joue comme une merde. Ah non mais c'est le seul qui s'éclatait à faire son truc, hein. Oui, mais c'est sûr que Stephen Amell. Ah non mais c'est le seul qui était content dans sa vie, quoi. Genre vas-y, je m'en fous, je m'éclate. Il était content de. Ah chose. Oui, il était content. Ah mais je préfère. Attends, je préfère le Casey Jones quand même du vieux film. C'était plus sympa. Je préfère tout du vieux film. Ah mais moi aussi, Ah oui. On va pas en parler. On va passer. Ouais, non, attends, pour revenir à Ezra Miller, parce que enfin franchement dans BVS, la seule scène où on le voit quoi, franchement il me donnait pas du tout envie, hein, une espèce d'hippie. Avec les cheveux longs et tout, voilà. C'était dégueulasse. Franchement j'ai eu peur et là le voir. Là rassurant. Justice League, ça m'a rassuré. Quoi. Ouais, pareil. Moi ce que j'ai un peu peur par contre c'est que ça soit juste que ça. Moi aussi ça m'avait fait flipper. Avec les cheveux longs, je fais c'est pas Flash. On est d'accord que Flash, même dans le dessin animé Justice League, il avait un peu ce rôle-là du mec un peu drôle. Ouais, du drôle, c'est normal qu'il y ait. Mais Flash, c'est pas que ça, c'est un mec intéressant. Mm. C'est quand même un enquêteur à la base. C'est, je crois que, on va revenir, Maxime qui disait ça, qu'il voulait qu'il ait le rôle qu'il a un peu dans l'animé de Paul Dini et de Bruce Timm aussi, je crois. Où c'était un peu la cohérence du. Ouais. De l'équipe. Sans lui, ça partait en couille. Et l'idée, ce serait. Oui, ouais, c'est la caution humoristique. J'étais un peu rassuré par Aquaman aussi, parce que dans BVS, il faisait comme Aquaman déchire ma. Dans BVS, on dirait une espèce de sale gros qui sort d'une caverne, il voit une caméra pour la première fois de sa vie, le mec il panique. Quoi. Et que dans la bande-annonce, il était. Ouais, j'ai bien aimé. Il est bad. C'est visuel encore, hein, c'est Snyder. Cette version badass du personnage, c'est la vision parfaite. Bon, après, j'y respecte beaucoup Aquaman parce que merci Geoff Johns, c'est quand même un perso qui revient de loin. Parce que quand même, tout le monde s'est foutu de sa gueule pendant des années. J'ai pas lu le run de Johns, mais il paraît qu'il est arrivé à faire un truc. Il paraît qu'il est arrivé à faire un truc formidable. Et. Momoa, il a sabordé Conan, le pauvre, c'était pas sa faute, il a fait ce qu'il a pu. Là, à la limite, moi, sous Snyder, why not, ouais, ça a l'air. Encore une fois, le mec, le coup des vagues, c'est entre guillemets naze, mais putain, ça marche à fond, quoi. Le type, s'il est badass qu'on peut plus. Même quand il arrive, il a des yeux un peu, je sais pas s'il a. Il a des yeux blancs, il a des lentilles blanches. Ouais. Elles sont vraiment. Enfin, je sais pas, l'interaction qu'il a avec Bruce Wayne est vraiment sympa. Et du coup, je suis content que, parce qu'à la base, il était pressenti pour jouer Drax dans Les Gardiens de la Galaxie, et je suis content qu'il soit allé chez DC. Ouais. Voilà, Mais moi, tu vois. Je me retrouve avec Batista en tant qu'Aquaman. Ah ouais. Mais moi, tu vois, Aquaman, je connaissais surtout le dessin animé, j'avais lu, je crois, de vieilles histoires à la bibliothèque, et j'aimais pas du tout ce que je trouvais qu'il faisait Monsieur Propre, tu vois, genre. Voilà, et là, c'est vrai que ça m'intéresse un peu plus cette version-là. Moi, j'avais l'image du. du Aquaman, mais de Bob l'éponge là. Ouais, ouais. Pour moi, c'était ça, Aquaman. Non, mais c'était genre le mec chiant, quoi, tu vois. Avec son orange, son armure c'est... orange et verte. Ouais, ça passe pas. Ça passe pas. C'est là quand tu fais une adaptation qu'il faut vraiment voir ce qui va passer dans un film et ce qui va pas passer, quoi. Tu veux dire quelque chose, petit? Non, juste, on avait conclu tout à l'heure. Et avant, ah oui. Ouais, ouais, pardon. On va tous voir Justice League. Le dernier trailer qu'on a vu. Mais non, c'était le dernier. Le dernier trailer cinéma qu'on a vu au ciné. On a vu au CDC. C'était quoi? C'était Lego Batman. Ah oui, non, et ça a l'air je l'ai pas. Ça a l'air trop cool. Ça a l'air trop cool. Est-ce que vous avez aimé? Je sais que vous n'avez pas aimé Lego Batman. Enfin, Lego Movie. Moi j'ai trop kiffé. Ah, c'est trop. Quand ça redevient adulte. Non, je pas. Bah, tout le monde a vu Lego Movie quand même. Il y a des Non. Ok, pardon. Non. Okay. Bah, j'ai aimé la fin. Voilà, quand non, mais la déjà. J'ai aimé la fin quand on remarque qu'en fait c'était un père qui jouait avec son fils. Enfin voilà, en gros c'est ça. Mais non, c'est le fils qui joue tout seul. Oui, enfin le fils qui joue tout seul dans un monde humain. Quoi. Ouais, enfin, j'ai voilà. Aimé, mais et c'est pas en dessin animé avec des acteurs. Si tu veux que ça t'es un connard. Mais ouais, sinon, mais s'il te plaît, je me sentais mal et tout. Parce que la fin, il faut jouer avec ses Lego. Moi, je joue pas avec mais, Lego. Mais dans Lego, le seul personnage que j'aimais, c'est Batman. Il est génial. Ouais, du coup, j'attends Batman, en fait, Lego Batman. Dans Lego, plutôt qu'il n'a pas vu le film. Non, mais moi, j'avais adoré. Pardon. Il est vachement drôle. Il fait des vannes tout le temps. C'est. Il me fait penser un peu, tu sais, à la série, à la web série qui s'appelle Comment ça aurait dû finir. Attends, comment ça s'appelle? C'est un peu ce genre de Batman. Un Batman. Et ça me. Ouais, c'est ça, c'est ce genre de Batman. Le trailer, c'est ça, exactement. Avec un Robin super drôle. Non, mais rien que l'animation. L'animation est trop. En fait, on dirait. Moi, avant, je faisais du brick film. Ouais. Et on dirait vraiment que c'est du brick film, du stop motion. Et en fait, c'est de l'animation, quoi. Dans Lego Movie, c'est un peu les deux, en fait. C'est pour ça que c'est cool. Bah, non, c'est tout. Enfin, les maquettes étaient en Lego du moins, mais genre ouais, je m'étais un peu intéressé comment ça a été fait, mais c'est énorme, c'est vraiment super beau. Enfin, même le feu est fait avec des pièces Lego. Mais ce qui est drôle avec The Lego Movie, c'est que en vrai, il n'y a pas trop de niveau de lecture, parce que je pense pas qu'un gosse puisse tout comprendre du film The Lego Movie. Est-ce que c'est dans cette licence, c'est vraiment pas mal de références à l'univers geek en général. Ouais, ouais, bah et je pense que des gosses peuvent être complètement perdus devant l'humour de ces films parfois. Je sais pas s'ils peuvent être perdus, à mon avis. Enfin, la bonne annonce que j'ai vue, elle était quand même bien faite. Hein. Ils vont pas tout comprendre, mais moi, je me rappelle quand j'étais gamin, des fois, je voyais des trucs. Le premier niveau de lecture me suffisait. Ça, il a l'air très, très possible, intelligent. Ouais, ça va parler à une certaine génération, mais la première, elle va être happée par deux scènes d'action, deux machins, trucs comme possible. ça va leur suffire. Non, quoi. Mais le film Lego, c'était genre, tiens, regarde ce set, ça coûte tel prix. C'est la caution complot. C'était drôle. En fait, on est 12. Que j'avais bien aimé, justement, le seul que j'avais bien aimé, c'était Batman aussi, qui était très très drôle. En plus, il va à un moment avec Han Solo, donc c'était génial. Et le reste du film. Là, tu dois le voir maintenant. Voilà. Oui, mais elle a un peu raison. Même si j'adore le truc. Enfin, après Lego, c'était has-been il y a 10 ans, et maintenant ils sont arrivés à faire une espèce d'empire assez impressionnant, quoi. Ouais, j'ai toujours plein de Lego chez moi. J'en ai plein. J'ai le Slave One qui qu'on voit dans toutes mes vidéos. Moi, j'ai un X-wing en Lego. Aussi. Je l'ai aussi. Bon, vas-y, on va dire toute notre collection maintenant. Est-ce que j'ai une armée de Lego. On va arrêter. En tout cas, moi, ça me hype beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je voulais finir sur Will Arnett, qui est aussi dans BoJack Horseman en ce moment. J'ai maté les deux premières saisons. Il y a la troisième saison qui vient de débarquer. Ouais, ouais. C'est pas mal. Bien, c'est super bien. Mais j'avais demandé à Faye de me gentiment me faire, parce qu'elle a regardé tous les panels de Star Wars Célébration. Comme si tu aimes les comics, tu aimes peu Star Wars. Et comme on est un peu dans une salle Star Wars, puisqu'il y a plein de tableaux. Oui, nous tournons dans ce magnifique endroit qu'est la Game Taverne avec plein de. Merci la Game Taverne de nous recevoir. Merci la Game Taverne. Ouais. C'est pour ça que je l'ai fait, tu vois. Exactement. Je suis comparé. Donc, comme je lui ai demandé de faire un petit truc Star Wars, en plus, comme on a un portefeuille Star Wars sur le. On a un comic Star Wars, un t-shirt Star Wars. Moi, j'ai un fond d'écran Star Wars aussi sur mon téléphone, c'est fantastique. Je veux parler un peu Star Wars. Si tu lis des comics, tu aimes forcément Star Wars. On est obligé de parler Star Wars. Pas obligé, pas obligé. Pour Star Wars, c'est trop bien. Comme je t'ai demandé de le faire et comme tu, Ouais, mais ça va être plus rapide que toi, hein, je le dis direct. Il n'y a pas de problème, vas-y, je te laisse. Oui, parce qu'au final, la célébration, il y a eu quelques annonces, mais pas non plus des masses, les enfants. Donc, bah, écoutez, je vais commencer par les comics, mais je vais faire un petit aparté pour rappeler quand même que ce mois-ci, donc le mois d'août, il y a une sortie en VF au niveau comics. C'est Obi-Wan et Anakin qui sort le 24 août, et on m'en a dit énormément de bien, donc j'ai hâte de le lire. Tu Mathieu. Ouais, moi j'ai lu ça en VO. Il y a Marco Cecchetto au dessin qui avait fait aussi Star Wars les ruines de l'Empire. Oui, ouais. Qui était Shattered Empire. Scénaristiquement, mais graphiquement, c'était vraiment. Cecchetto, ouais, il a fait du Punisher avant, c'est magnifique. Ouais, c'est super beau. Ah, mais j'ai beaucoup aimé les ruines de l'Empire, je trouvais ça super intéressant. C'est Obi-Wan. Obi-Wan et Anakin, ou Anakin et Obi-Wan, un des deux. J'ai pas lu la VO. Ouais, j'ai lu la VO, j'ai pas lu le dernier. Ouais. Alors, quoi qu'il arrive, déjà, c'est magnifique, c'est une plus-value, quoi qu'il arrive, pour le comics, ça, c'est impressionnant. Le mec, il nous dépeint un monde balayé par les tempêtes, c'est vraiment prenant. Moi, j'ai trouvé qu'il y a une petite bombe dans le comics. À un moment donné, si vous lisez, on apprend quelque chose sur Anakin, je dis pas, j'ai trouvé ça assez original. Il a trois poils qu'on poussait. Ouais, voilà. Non, j'ai trouvé ça assez original parce que, étant fan de Star Wars, j'ai lu beaucoup ce que faisait Dark Horse avant et le nouvel univers Marvel m'emballe globalement pas mal, mais il n'y a pas des masses de prise de risque. Et là, il y a une mini-bombe, j'espère qu'ils vont l'exploiter sur Anakin et ce qui se passe dans l'Ordre Jedi. Après, c'est assez du classique en fait, hein, et c'est pas se lever la nuit, j'ai envie de dire, mais ils arrivent sur un monde complètement mystérieux, ils découvrent d'autres trucs. Ils aillent peu bien quand même, hein. Je ne sais plus qui scénarise, c'est Soul. Je sais plus le scénariste. C'est Charles Soule, Charles Soule. Merci. C'est Charles Soule qui avait travaillé sur Litter 44. Oui, excusez-moi. Wolverine, la mort de Wolverine aussi. Ouais, Charles Soule. Marvel. Il a fait Red Lantern. Ouais, il a fait Lando chez Star Wars aussi. Il travaille. Et je me demande si c'est pas lui qui est sur Podamron aussi avec Phil Noto. Si. Bon, enfin, le gars des journées de 50 heures. Hein, si. Et en plus, j'ai eu une interview de lui il y a pas très longtemps. Il travaille en plus dans le droit ou je sais mais pas il quoi. Mais il a même un groupe de musique. Si, je crois. Il a un groupe de musique en plus. Ouais, le type. Le mec fait tout dans la vie. C'est le mec le plus polyvalent du monde. Bientôt, il va se mettre au dessin. Et c'est pas mal. Ça, c'est pas extraordinaire, mais l'ambiance est bien. Merci Cecchetto. Il y a un petit truc sur. T'as un rapport entre Anakin et Obi-Wan qui est assez intelligent, sans que ça soit révolutionnaire. Ouais, j'ai pas lu la fin, mais moi je valide pour l'instant. Bah écoute, j'ai hâte de le lire. Parce que c'est un très grand fan de d'Obi-Wan. Ah, moi j'adore Obi-Wan. Ouais. Le meilleur Obi-Wan est. En fait, j'adore la trilogie, mais le meilleur Obi-Wan c'est Ewan McGregor en fait. Carrément. Il est trop. J'ai envie de voir un. Ah non, mais ça c'était vraiment une bonne surprise de ça quoi. Mais il reste le troisième spin-off. Mais de toute façon, il y a une série comics sur, qui paraît aussi dans le mensuel de Panini où tu as des petites histoires d'Obi-Wan qui sont super bien dessinées en plus et c'est vraiment ouf. Ouais, c'est la série principale de Aaron qui de temps en temps fait un. En fait, tu fais un. C'est pas possible. Oui. Ouais, t'as vu ça? En fait, ouais, c'est Jason Aaron et son dessinateur qui font un feeling. Oui, c'est dans Star Wars, oui, on voyait des extraits du journal intime. Ah, merci. Ouais. Du journal intime d'Obi-Wan. Il y a Simone Bianchi sur le dernier, je crois, au dessin. Ouais. Ça va, il soude pas trop notre gueule au niveau dessin. Juste pour finir très vite sur les petites sorties VF, en septembre, le 7 septembre, vous aurez le petit Vador abattu qui est en fait un crossover entre Voulorant et TPP. Qui s'est terminé il y a un mois chez Panini qui était. C'est du gros blockbuster en comics, quoi. C'est vraiment cool. Tu en parleras quand ça sortira en VF. Ouais, bah vas-y, j'en parlerai. Ça sera cool. Ouais. Bah ça, j'attends ça aussi avec impatience. Ça a l'air pas mal. Ouais, c'est grave, Brown, mais c'est. Ah ouais, c'est badass que ça en peut plus. Ouais, Vader, il casse tout. Bah, Vader est. C'est pas le meilleur crossover de la galaxie. Le statu quo à la fin et au début est pas extraordinaire. Il n'y a pas grand chose qui change, mais. Voilà. C'est du divertissement bien fait. Voilà. C'est du bon divertissement. Ça déboîte, il y a des hauts dato au dessin, c'est assez violent. Mais j'aime beaucoup moins quand La Roca passe au dessin, par contre. La Roca est pas ouf. La Roca, c'est celui qui est sur la série Dark Vador. Ouais, la Roca est étonnant sur la série Vader. Non seulement il est pas mauvais, mais en plus il est vraiment régulier. Moi, il m'étonne beaucoup. La série Vader m'étonne beaucoup. J'aime pas Kieran Gillen non plus. Ils font un boulot de ouf, les deux. C'est vraiment dommage que ça arrête. Moi, je trouve que La Roca baisse au dessin au fur et à mesure quand même. Enfin, en tout cas, il dessine très bien Dark Vador. Je voulais juste dire, n'est pas Greg Capullo qui veut. Oh, DC, ouh. C'est lui qui fait des gros muscles là, tout moche. Ou c'est un autre. Mais non, Capullo. Sur la série régulière Batman, enfin, qui était sur la série régulière Batman. J'en sais rien, j'en ai vu. Qui aime bien ce. Non, mais ce serait bien de voir du dessin cartoony un peu sur Star Wars. On en a pas. Il y en a eu chez Dark Horse à un moment donné. Il y a eu. Ouais, chez Dark Horse, on a eu. Il y a eu. Il y a un truc, juste une aparté deux secondes, il y a un truc extraordinaire chez Dark Horse qui s'appelle Tag et Bink. Alors, Tag et Bink, c'est deux espèces de losers, mais qui se retrouvent. Je me demande si c'est pas Kevin Smith qui scénarise, je suis pas sûr. Qui se retrouvent dans des situations hallucinantes, mais tout au long des films, en fait. Il y a, par exemple, tu as une scène où, à la fin du Retour de Jedi, lorsque tu as Skywalker qui est livré par Vader devant l'empereur, tu as deux gardes écarlates derrière, et l'empereur qui dit laissez-nous. Et les deux gardes écarlates, si vous vous rappelez la scène, ils se barrent. Voilà. Ouais. Et en fait, dans le comics, c'est ces deux glands qui sont là, et en fait, quand ils se cassent de l'autre côté, il n'y a rien. Et il y a un qui dit à l'autre, mais il est où l'ascenseur ? Moi, je sais pas, je pensais que tu savais, je t'ai suivi Ah, mais ça, je l'ai déjà lu quelque part. Et du coup, les types, ils passent toute la fin du Retour du Jedi avec la basson, assis comme des cons en disant, putain, j'espère qu'on va pas se faire capter, c'est la naze et tout. Et ça s'appelle Tag et Bink, il y a eu deux mini-séries. J'ai déjà lu ça. Ouais, j'ai déjà lu. C'est vraiment cool. Mais il n'y a pas des images postées sur... à mon avis. Sur Star Wars The Net ou quoi. Ouais, mais si jamais tu l'as pas, parce que c'est dire à trouver, j'essaierai de te les prêter. C'est n'importe quoi. Et donc pour le coup, c'est un peu cartoon, c'est sympa. Ouais. Bon, quand même, on va passer à la célébration et rester sur le comics. Parce que donc, il y a eu un petit panel Marvel. Bon, il n'y a pas eu grand chose d'extraordinaire. On a eu des previews pour Podamron, pour Star Wars et tout ça. Et le seul truc qu'on a eu, c'est que dans le dernier numéro de Vader, qui se terminera au numéro 25, me semble-t-il, il y aura une histoire de 10 pages en fait en bonus qui sera centrée sur les Hommes des Sables. C'est pas des. Ça fait quand même pas rêver hein, le panel Star Wars. Je pense pas que j'achèterais parce que les Hommes des Sables, c'est pas forcément les personnages les plus charismatiques de Star Wars. À part gueuler et se faire découper par Anakin, y a pas grand chose. Pas grand chose à en tirer. Si, dans la course de Podracer, ils sont très drôles, ils tirent n'importe où sur les mecs qui passent. Ce qui est drôle dans Star Wars épisode 1, c'est qu'il y a Hora Singh, mais elle sert à rien. Il y a Killian Voss dans Star Wars épisode 1, mais tout le monde s'en fout en fait. Ce qui est formidable avec Hora. Hora Singh, c'est une chasseuse de prime qui va aider Boba Fett dans Star Wars The Clone Wars. Et Killian Voss, c'est un Jedi qui a été beaucoup développé chez Dark Horse dans Star Wars The Clone Wars et qui apparaissent dans Star Wars épisode 1, mais genre c'est vraiment des figurants, mais c'est devenu des personnages complètement intégrés à l'univers de Star Wars plus tard. Et c'est, je trouve ça trop drôle en fait. Et ce qui est marrant, c'est que l'actrice qui fait Hora Singh, Michonne Beauregard, un truc comme ça, elle fait des conventions où elle signe. Ouais. Dans l'épisode 1, tu la vois un quart de seconde dans la course de Podracer. C'est une espèce de tu femme. Tu la vois de dos en plus. De ouais, dos, tu la vois de dos. C'est une chasseuse de Jedi. C'est des trucs qu'il a mis là en disant ouais, je vais utiliser. Non, après c'est Dark Horse qui a été malin. C'est Dark Horse qui a vu ces deux personnages. Ouais. Enfin, je pense qu'il y a eu l'hype. Et les éditeurs chez Dark Horse sont pas bêtes. Et ils ont bien développé le truc. Même dans Rebelle, ils ont repris des gens qu'on avait vu genre vite fait, qui les ont mis dans des épisodes, et les ont développés. Killian Voss, il a un beau public. Killian Voss, ouais. C'est pareil, tout le monde aime Boba Fett alors qu'on le voit. Ouais, c'est vrai. C'est l'exemple même. C'était dans le Star Wars spécial. Ouais. Justement, c'est. Oui, regardez pas cette merde. Mais voilà, Star Wars Holiday Special. Sans avoir vu le spécial, mais on le voit dans l'épisode 6, on le voit 10 minutes à tout casser, et pourtant il a. Dans l'épisode 5. Mais ne regardez jamais Star Wars The Holiday Special. Vraiment. C'est moche. C'est une horreur. Si vous voulez voir des enfants wiki, regardez Star Wars The Holiday Special par contre. C'est... oui, par contre, ouais. C'est triste, mais c'est canon. C'est canon. Ah, c'est canon. Ça donne envie, on a eu quelques indications. On nous a dit que le film serait donc un film de guerre avec un côté espionnage. Et le réalisateur Gareth Edwards a parlé d'une inspiration à la Mission Impossible. Alors j'espère que c'est la série télé et pas le film. Sinon, là je suis pas d'accord. Et puis là, ce qui est sympa, on parlait justement de transmédia. Là, je peux le dire parce que ça a quand même été dit officiellement, c'est que le personnage de. Comment il s'appelle le Black ? J'ai plus son nom d'acteur. Finn ? Ah, le nom de l'acteur ? Le nom de l'acteur dans Rogue One, putain. Celui qui a un œil bizarre. Oui, Forest Whitaker. Voilà, son personnage en fait est un personnage qui est issu de la série Clone Wars. Donc du coup, on trouve des liens. Il est dans la série Clone Wars à quel moment ? Oh, dans plusieurs épisodes, je sais pas, dans la saison 3 ou 4 ou 5. C'est un ancien clone, 3 ou 4. Non, en fait, c'est un mec. Attends, un clone n'est pas noir déjà. En fait, qui bossait un peu si c'était un comment on appelle ça ? Parce que j'ai tout regardé sur The Clone Wars. Ah putain, l'autre nom pour pire. Un chasseur de primes. On te dit qu'en fait, il a rejoint la résistance. Moi, j'avais juste un tout petit troll. Est-ce que Jim pourrait être un méchant dans Rogue One ? Parce que t'as dit qu'il y avait une inspiration Mission Impossible. Alors là, non. Non, mais Jim... Non, c'est pas possible. Non, bref. Enfin, en tout cas, moi, ça me donne très, très envie, le film. En plus, ils ont dit qu'ils allaient tenter des nouvelles choses. Donc, il y a eu une petite polémique. Savoir que, au début donc, du film Star Wars... Il va y avoir un sabre laser avec trois lames. Et là, ils veulent supprimer le général qui défile. Alors, je m'adresse aux fans de Star Wars. Non, pas grand chose à carrer. Ouais, non, mais ce qui est drôle quand même, c'est qu'ils l'enlèvent pour ça, mais dans les comics Star Wars, pourtant ils le font le générique. Mais après. Dans Rebels, ils le font pas. Moi, ça non, mais je veux dire dans les séries comics. Ah dans les séries comics. Ils mettent. C'est canonique en fait. Ouais, mais. Pas choqué, mais si ça a été dans les épisodes 8, 9. Oui, voilà, mais... Voilà. Mais là. On... Dans les spin-offs, non. Ouais. Dans un spin-off, ça me dérange pas, mais ça m'aurait pas dérangé non plus de le voir. J'aurais été content de le voir aussi. C'est toujours, toujours agréable de voir le. Ça fait des petits frissons à chaque fois, quoi. Ils veulent essayer une nouvelle manière de l'amener. Ouais. Il y a une scène avant de ça. Enfin, voilà. Ouais. Parce que les fans sont capables de dire comme des cons. Mais ça gueule déjà comme des cons. C'est fan de Star Wars. Voilà. C'est pas bien, je suis fan de Star Wars. Fan. Regardez le film Fanboy, c'est vraiment trop drôle. Le film Fanboy. J'adore la fin. Et si il est nul, le film. Enfin, bon, en tout cas, moi, ça donne envie. Ouais, après, au niveau des persos, on a une espèce de prêtre asiatique, la Havoc, leur sympathie. Non, lui, il me disait trop rien, justement. Mais après, le reste, il avait l'air pas mal. On a vu un peu plus le perso de. Alors, j'ai jamais prononcé son nom, le mec qui faisait le chiffre. Pas Hannibal. Mike Mickelson. Ouais, Mickelson, qui a l'air bien sympathique aussi. Voilà. Frère, hein. Oui, mais je vais en parler après de son frère parce qu'il fait un rôle important. Et bon, après, on a eu droit à une espèce de petite vidéo montrant le tournage. Ouais, et c'était moi, j'ai bien aimé ouais, c'était assez bon, c'était même assez rassurant parce qu'il y a eu la. C'est pareil, ça aussi, tu vois. Regarde quoi. Le même problème que Batman vs Superman. On essaye de faire un complot par derrière pour dire ah, ça va être. Non, non, je trouve que la promotion de Star Wars a toujours été super bonne, surtout pour Star Wars épisode 7 avec le film et ça. Mais Rogue One, la polémique c'était le reshoot, soi-disant à un moment donné ils voulaient reshooter 40% du film, ça allait pas du tout à Disney. Ok, et ok. Quand tu fais 40%, tu peux pas tourner. Oui, mais ils avaient fait la même chose pour Star Wars épisode 7, ils avaient fait un. Mais en fait, les reshoots sur les blockbusters c'est obligatoire c'est maintenant. Obligatoire. De toute façon, c'est pas compliqué, ils font un film, ils font une saison. Oui, après c'est Star Wars, donc ça forcément. Bon, tout le monde avait été assez rassurant. C'est vrai qu'ils ont retourné beaucoup. Ils ont expliqué que s'ils ont beaucoup retourné, c'est parce qu'il fallait revenir, les faire revenir les acteurs, voilà, que tout le monde avait des engagements. Voilà, c'était pas évident. Quelques petits trucs, refaire quelques petites scènes d'action, c'est des trucs normaux. Après, moi j'ai confiance en Gareth Edwards qui a confiance en son film parce que le peu que je connais du gars, il a l'air assez carré dans ses bottes. Monster était très bon. Godzilla. Non, et puis surtout, j'ai pas l'impression que ce soit un yes man, quoi. J'ai pas l'impression que le gars soit dans le système. D'ailleurs, il a dit que maintenant, il veut s'éloigner des blockbusters pour refaire des films un petit peu plus indépendants. Et j'ai envie de dire que si jamais le mec était pas bon, il l'aurait dit. Ou il se serait barré comme Edgar Wright sur Ant-Man. C'est pas un Josh Trank sur Fantastic Four qui avait disjoncté total. Ah, le pauvre, ouais. Ouais, lui, il a chargé, ouais. Du coup, j'étais inquiet, mais j'ai quand même confiance, je pense qu'on va se régaler. Gilles, Tom, petit Gilles, Tom, comme vous voulez. J'ai aussi lu, je sais pas si tu l'as mis dans ta news, mais c'est sorti aujourd'hui comme news, donc ça doit pas y être, que l'acteur qui va jouer Han Solo a signé pour 3 films. Oui, j'allais en parler quand j'allais parler. Okay. Ah, il a signé pour 3 films. Pour 3 films, du coup. Alors, en fait, oui, c'est ça. Parce qu'en fait, bon, écoutez, on va avancer. C'est peut-être dans les autres spin-offs qui va être là, non? Non, non, alors en fait. Un spin-off avec Boba Fett. Donc là, sur Rogue One, je reviens sur Rogue One. Oui, oui. À la fin du panel, on a eu un nouveau trailer qui a été diffusé. Malheureusement, vous pouvez le voir qu'en version cacaboudin liquée parce qu'il n'est pas passé sur les réseaux officiels. Bon, en fait, il y a quelques nouvelles images en plus, mais le plus intéressant, c'est la fin. Où, en fait, il y a Boba Fett. Là, c'est pas du spoil parce que ça a été annoncé officiellement. Du coup, maintenant, on sait donc que Vader va. Donc, oui, ça fait sauter les fans aussi. Ah, oui, c'est bon. Non, franchement, ça va faire kiffer de voir un film avec des personnages de trilogie en film moderne, adapté dans un film moderne. Why not? Pourquoi pas? Tant qu'il y a Boba Fett. J'espère qu'il y aura un nouveau Jar Jar. Non, mais j'aimerais tellement voir Boba Fett, un film sur Boba Fett. Logiquement, c'est le dernier. Ils vont le faire, de toute façon. Rien que pour l'argent, ils vont le faire. Oui, a priori, c'est le dernier spin-off, c'est ça. J'ai écouté le dernier podcast de Star Wars en direct. Aussi. Mais j'explique. en fait, ils avaient une théorie très sympa par rapport à Rebels. Ils calculaient qu'en fait, qu'au moment où il y aurait genre la pause de la troisième saison, ça coïnciderait avec le moment où Rogue One allait sortir. Et du coup, ils se demandaient s'il n'y aurait pas un lien, justement, entre Rogue One et Rebels, étant donné que les actions vont se passer à peu près au même moment. Ouais, moi, j'avais vu que c'était même confirmé, je crois, qu'ils faisaient... Enfin, c'est pour ça que j'ai commencé Rebels, déjà, parce que tu as insisté à chaque fois qu'on se voyait. C'est très bien, Rebels. Et puis, voilà. Et puis non, mais j'ai cru comprendre que c'était confirmé. Ils nous font le coup de Agent of S.H.I.E.L.D. et Captain America. Il y aura un lien, ça sera... Mais d'une manière générale, j'ai l'impression que Disney veut vraiment faire énormément de cross-média. Ouais. Et alors, c'est juste pour faire une mini-divergence, c'est un petit peu inquiétant, mais un univers parallèle sur Indiana Jones, ils veulent envoyer du pâté sur Indiana Jones. Oui, c'est pas juste un film, c'est plusieurs films. Oui, ils parlent même d'un univers partagé. Alors, mais partagé, ça peut aller loin. Partagé avec quoi? Pas avec Star Wars, du moins. Non, mais partagé avec d'autres médias, du jeu vidéo. C'est Chris Pratt qui reprend le rôle. Un Chris Pratt ou Indiana Jones. Fait Jurassic Park déjà. Non, mais c'est vrai qu'il part de créer tout un truc. Alors peut-être des romans, des comics, ça pourrait être sympa. Oh, mais pourquoi pas après. Pourquoi pas. Mais pour revenir au. Pour sortir la série Le jeune Indiana Jones. C'est super bien retrouvé. C'était pas mal avec River Phoenix. Ouais, mais pour revenir à ce que tu disais sur que Rebelle, là. Enfin, moi j'ai peur, parce que moi j'ai pas du tout regardé Rebelle. Mais j'ai peur que, ça fasse, ouais, je vais m'y mettre. Que ça fasse comme Agent of S.H.I.E.L.D., que si tu regardes pas la série, tu sois perdu. Non. Non, je pense que tu comprendras, mais genre tu seras pas aussi excité que, par exemple, moi qui regarde la série, imagine qu'il y a un Kanan qui arrive. Ah. Tu vois, il est sympa ce perso et tout, mais tu seras moins excité que nous. Ouais, mais par exemple, enfin, dans le début d'Avengers 2, quand tu vois tous les Avengers arriver au Baron Strucker, j'étais perdu, je me dis, mais pourquoi ils sont là? Comment ils savent que le sceptre est là? Tu t'en fous, tu dis juste en baisant, tu vas avoir rien. Je suis pas foutu, je me suis dit, mais comment ça se fait qu'ils sont là? Après, on passe de civil de la chute du Shield à eux qui reviennent là. Moi, j'étais un peu perdu. Moi, je vais te dire, j'avais complètement zappé que j'ai vu l'info comme ça. Et pour moi, je me suis dit, ils ont dû avoir une info au début du film, ils sont allés. Alors, moi qui lis pas mal de Star Wars, ils font ça bien. Il y a beaucoup de liens entre les romans, les comics. On parlait tout à l'heure des ruines de l'Empire, Shadow and Empire, ouais. Où tu as les parents de Poe Dameron, si je me rappelle bien. Ils tu peux très bien. Liens à chaque fois. Dans Aftermath, excuse-moi. Oui. Aftermath, il y a l'amiral Rae Sloane. Qu'on a déjà vu justement, il me semble, dans Canaan. Oui, elle est dans Canaan, elle est dans le roman A New Dawn. Mais justement, j'allais en venir. C'est un personnage qui est un peu partout. Elle est dans 2-3 nouvelles. Et tu, en fait, si jamais tu remets tout dans l'ordre, tu peux voir son arrivée dans l'Empire, comment elle passe, et justement jusqu'à Aftermath, où elle est carrément au règne de l'Empire, enfin sous les ordres d'un amiral un peu mystérieux. Mais du coup, pour revenir à ce que tu disais, ils font ça bien. Lucasfilm a engagé et veut engager. Ils ont lancé une annonce comme quoi ils voulaient engager quelqu'un qui. Rendre tout ça cohérent, enfin qui enregistre tout un peu comme peut le faire des sites comme Star Wars Alone ou quoi. C'est le story group. Comment ça s'appelle déjà ça? C'est le story group. Il y a Kiri Hart dedans, il y a Pablo Hidalgo, il y a deux trois quelques-uns. Pour que tout soit bien cohérent, c'est génial. Non mais c'est il parle d'un archiviste en fait. Ouais, un archiviste. Un archiviste. Pour mettre tout le truc. Oui, là il y a du boulot, mais pour l'instant, je suis pas super emballé pour ce que fait Star Wars en général maintenant, parce que c'est pas très original, mais c'est quand même super sérieux, super bien foutu. Bah, c'est bien, c'est cohérent en tout cas, c'est ça qui fait plaisir, parce que Dark Horse, ça prenait des risques, mais c'était pas toujours cohérent. Par exemple, sur Star Wars The Clone Wars, par exemple, il y avait une série Star Wars Clone Wars, une série Star Wars The Clone Wars, bon ça reste toujours la même, mais après en comics, t'avais la série Star Wars Clone Wars, Star Wars The Clone Wars, Star Wars... T'avais plein de différences. Après t'as George Lucas qui a foutu la merde au milieu. Oui, c'est... Oui aussi. Ah, sur la fin, sûr. Rien que Chewbacca et Yoda, à partir de là, c'était... Ouais. bon, pour revenir quand même, je vais garder la grosse news pour la fin. Donc, vous vouliez parler de l'acteur qui a fait Han Solo. Donc, on a eu la confirmation officielle de ce qu'on savait déjà, que le jeune... Donc, alors, je sais prononcer son nom parce qu'il est vraiment accouché dehors. Alors, Hayden Emmerich, Hayden Christian. On va l'appeler José. On va l'appeler José, ça ira plus vite. Donc, le petit José... Donc, il a été engagé pour jouer donc, le jeune Han Solo. Donc, il aurait signé un contrat pour 3 films pour la possibilité où il ferait plus d'un spin-off, en fait. Mais ce n'est pas encore confirmé. Ça serait... Il y aurait plusieurs films. Je pense qu'on va en bouffer du Star Wars pendant 40 ans. Ouais. Après, si c'est bien fait, ouais, mais si ça finit comme... Oh, il y a du potentiel. Oui. Ouais. Je sais pas. Han Solo, moi, je trouve... Je suis grave un fanboy sur Star Wars, je suis du genre à être un peu puriste et à la fin je suis pas déçu finalement, mais je trouve que c'est un peu sacrilège de toucher à Han Solo et faire plusieurs films sur Han Solo, déjà un spin-off c'était... Moi j'aurais préféré qu'il fasse Ouais, faut voir, mais j'ai ce côté un peu... Quoi. Je flippe en tout cas. Il y avait la trilogie Han Solo qui était pas trop mal, donc si c'est quelque chose de ce type-là, moi je dis pourquoi pas. Après, pardon, mais je rejoins deux secondes l'avis de Tom là-dessus, c'est que ce soit Disney ou Marvel, ils sont dans une zone de confort, ils en sortent pas beaucoup. C'est vrai que moi, le premier, j'adorerais voir d'autres films sur d'autres personnages secondaires. Pour l'instant, que ce soit dans les comics ou les films, ils sont vraiment autour de la trilogie, c'est la Sainte Trinité, Skywalker, Organa. En comics, à part Star Wars Canon, il reste vraiment sur la trilogie originale Star Wars. Oui, on est loin de Dark Horse avec les Star Wars Legacy, les Dawn of the Jedi et compagnie. Justement bien réinstaller le tout pour faire venir ça fait une paire d'années maintenant. Mais je pense qu'ils feront jamais un genre de Star Wars Legacy parce que à mon avis ils pensent tellement arriver jusqu'à Star Wars Legacy. À mon avis on va s'en taper du Star Wars tant qu'ils ont. C'est la grosse. C'est moi ce qui me fait peur en fait. C'est pour ça que je disais que je suis pas super emballé avec l'univers Star Wars jusqu'à présent. C'est que c'est pas mal. Aaron c'est vachement cool. Gillen c'est vachement cool. Mais il y a zéro prise de risque pour l'instant. C'est vraiment pas. C'est pas extraordinaire. Moi je trouve quand même que c'était intéressant ce qu'ils avaient fait sur Vader. Oui c'est le seul truc. Puis sur le. Avec ses rivaux cybernétiques et tout, ça c'est cool. Ouais, mais c'est non, si, ils ont pris des risques avec les dans, par exemple, comme tu disais sur Vador, avec les sortes de Jedi Sith. Enfin, voilà, qui ont pas... mais et c'est le seul truc après. Puis aussi, enfin après, moi c'est parce que je suis un gros fan de Boba Fett, mais le fait qu'on voit un peu les. J'ai compris. Ouais. Boba Fett, j'ai gardé le logo de Boba Fett sur ma chaîne pendant au moins 10 ans, tu vois. Mais en tout cas, genre qui traîne avec un Wookiee, tout ça, qui retravaille le background du personnage. C'est qu'ils retravaillent un peu sur des personnages un peu plus secondaires. Et c'est pas des prises de risque non plus. Enfin, c'est pas des grosses prises de risque, mais voilà. C'est Boba Fett, donc c'est trop bien. Voilà. Sinon, après, pour juste finir sur les films, on n'a pas eu d'autres grosses infos sur l'épisode 8. Pas de trailer, pas de titre de film. Je pense qu'ils le gardent peut-être pour l'année prochaine, pour la célébration à Orlando qui marquera les 40 ans de Star Wars. Mais voilà. C'est pareil, je trouve que c'est un problème maintenant, c'est que genre ils ont fini le tournage un an et demi avant la sortie. Alors, quoi. Ils ont fini il commence la production. Ouais, mais je veux bien, mais je veux dire, dans un an et demi, quand ils vont faire la promo du film, ils vont parler d'un film qu'ils ont tourné il y a un an et demi, ils auront tourné deux autres films en attendant, qui seront déjà sortis, eux. Mais là, le film, enfin. Ils sont ils ont intérêt à déchirer sur les FX, en tout cas. Tu vois un film comme Doctor Strange qui a fini son tournage en février. Non, mais Marvel, c'est limite une chaîne, et puis voilà, ils font leur truc. Ouais, mais Disney. Star Wars, ils prennent. Ouais, mais c'est quand même Disney, enfin, c'est la même. Ouais, mais c'est pas géré par les mêmes personnes, c'est Lucasfilm, qui est une filiale de Disney maintenant, mais qui gère leur truc, donc c'est pas pareil, ils prennent du temps. Mais t'imagines, si on suit ta logique, il y a 4 films, films Star Wars qui vont sortir par an, les gens, ça ils vont vraiment marrer. C'est très mauvaise idée. Le commencer à la rentrée quoi. Enfin, déjà un par an c'est beaucoup je trouve. Ouais, non mais je suis d'accord, mais je veux dire pourquoi le tourner un an et demi avant, ils oui le c'est vrai, après ouais, ça je suis d'accord, je suis d'accord. Les emplois du temps des acteurs pour voilà quoi, ça aussi je ne sais pas. En tout cas on va passer à l'annonce, la dernière annonce la plus intéressante, qui est vraiment le panel qui m'a le plus plu, c'est le panel sur donc la série animée Rebelle, donc Star Wars Rebels. Ah, j'ai vu, ouais. Qui fait intervenir dans cette saison là bon, pas mal de choses, on a Ezra qui semble basculer vers le côté obscur. Ah, je te spoil. Bob, tu as oublié demain. D'accord. Non, mais moi aussi, je suis en train de me spoiler, mais ne t'inquiète pas. Oui, le perso, hyper intéressant. Canada, mais j'ai vu la bonne annonce de toute façon. Mais la grosse annonce qui a fait. C'est qu'il s'est coupé les cheveux. Excité. beaucoup de fans, c'est qu'ils introduisent dans la série l'amiral Thrawn. Ah oui, l'amiral Thrawn. Voilà. Et Thrawn. Ils ont bossé avec le créateur du personnage, donc Timothy Zahn. Fait un roman. Pour annoncer qu'il allait faire un roman sur lui. Donc là, c'est juste jouissance totale pour moi. Oui, il faudrait représenter qui c'est l'amiral Thrawn. Bah, vas-y, Mathieu. L'amiral Thrawn, alors c'est en fait, après le retour du Jedi, pendant très longtemps, ce qui a fait caution chez les fans de la suite des films, c'est la trilogie La Croisade Noire du Jedi Fou, rédigée par Timothy Zahn, où dedans apparaît deux personnages majeurs après dans la galaxie Star Wars, Mara Jade d'un coup qui deviendra Madame Skywalker plus tard, et l'amiral Thrawn qui est un alien, qui est un Schiss, ouais, si je me rappelle bien, et dont l'intérêt principal est que c'est un tacticien hors pair, et entre ses doigts, l'Empire est redevenu une menace, mais une menace vraiment, vraiment intéressante. C'était plus l'Empire Dark Side complet de l'Empereur Palpatine. Et très vite, les fans ont adoré ce personnage. Il était très, très bien, il était très bien amené. C'est un personnage qui adore la culture, les autres cultures. Les autres cultures races. Jedi, tout ça aussi. Voilà. Il observe vachement les autres. Ouais. C'est un personnage super intéressant. Le mec, il va essayer de te faire de la psychologie, de pouvoir tes faiblesses. Ouais, voilà, c'était assez nouveau. Timothy Zahn a fait une duologie après la main de Thrawn. Il y a eu un. Il y a une adaptation comics de. La Croisade Noire, ouais. Ouais, qui est pas mal non plus. Ouais, qui c'est Vatino Dessin, c'est pas dégueu. Ouais, ouais, qui est édité chez Delcourt en intégral en plus. Mmh. Mais je crois que maintenant, il n'y a plus de réimpression et ça coûte un peu cher. Ça va ressortir en légende. Alors, ouais, ouais, ça va ressortir en légende de quoi que ce soit. Il est ressorti. Je l'ai vu à Planète. Ah. Oui, du coup, il y a un peu de hype autour du personnage. Il apparaît très rapidement dans un vieux roman avec la belle vie. C'est génial qu'il soit intégré dans la série à ce moment-là, étant donné que c'est censé être la dernière saison. Ouais. Qu'ils vont rejoindre au niveau. De la timeline, justement, l'épisode, on va dire Rogue One et un peu l'épisode 4. Donc voilà, donc forcément, il va leur arriver quelque chose ces jours-là, je pense. Et le perso, je veux dire, dans le trailer, on le voit dans un bureau entouré de plein d'œuvres d'art et il sort une phrase qui est quand même une phrase assez légendaire pour lui. C'est qu'en gros, il dit que pour battre un ennemi, je traduis, hein, pour battre un ennemi, en gros, il faut pas juste connaître ses tactiques, choses comme ça. Il faut apprendre à connaître ses goûts, à connaître sa culture, enfin, à l'étudier en quelque sorte. Et ça, c'est super intéressant. Alors moi j'avoue que je suis un poil plus modéré parce que j'ai craint la hype autour d'un personnage qui a été très apprécié des fans et de le balancer comme ça. Et puis encore une fois, comme on disait tout à l'heure, Thrawn c'est pas nouveau, hein, dans l'ancien univers légende on l'a déjà eu. Ouais, là il repart. Oui, c'est cool, mais allez-y, prenez plus de risques. Hein. Thrawn c'est pas un risque, hein. Tout le monde adore ce personnage, il va être vachement bien. C'est clair qu'il va bien amener. J'attends encore moi un peu plus, mais après encore une fois je suis pas forcément le client de l'univers Star Wars. Après, je vais pas gueuler à chaque fois. C'est une série pour enfants, est-ce qu'ils vont aller jusqu'au ouais c'est ça le problème. Mais du coup avant la chute de l'Empire c'était qui, enfin il faisait quoi? Il était sur une planète avant l'extraterrestre. Alors d'après ce que je me rappelle c'est qu'il était sur sa planète et en fait il y a pas un roman qui a été réédité. Il voulait étendre la galaxie et sur la planète et en fait lui il leur a foutu une mandale. Et en fait, Palpatine, il l'a débauché pour le prendre, pour qu'il bosse pour lui. En fait. Ah ouais, et du coup, là, dans la Rebelle, il va travailler avec Palpatine. Bah, il bosse dans l'Empire. Bah, je pense que son histoire sera peut-être pas pareille aussi. Hein. Alors, dans le, pour rebondir sur la question de Tom sur la fin de l'Empire, si ma mémoire est bonne, effectivement, l'Empire a pris une énorme défaite sur la planète de Thrawn à cause de lui. Du coup, Palpatine l'a récupéré et il lui donnait des missions Black Ops un peu pendant très très longtemps. C'est lui qui était. Alors, il faut que je. Attention, les archives. C'est lui qui était dans un roman du coup de l'univers légende où tu as les Jedi qui envoient une mission secrète, pas secrète, une mission pour découvrir d'autres intelligences. Et Palpatine, à l'époque, sénateur, ça ne l'intéresse pas et il envoie Thrawn en Black Ops pour la dézinguer. Et je crois qu'après, pendant la chute de l'Empire, il est dans la bordure extérieure, il est très très loin de l'action justement pour gérer. Pour gérer des conflits qu'on n'est pas forcément au courant. Et je me demande s'il n'a pas un rôle dans l'invasion des Yuuzhan Vong, qui est une race alien du New Jedi Order. Moi, j'ai lu que Invasion avec les Yuuzhan Vong. Après, je ne m'y connais pas de ouf avec les... Mais voilà, ça, il faudra chercher. Mais en fait, voilà, il me semble qu'il a été Black Ops pendant très très longtemps. Quoi. Mais je voulais juste rebondir sur ce que tu disais, qu'il ne prenait pas de risque. Quand tu regardes 4-3, ils prennent pas Disney ne prend pas non de plus. Risque. Ah non, mais Disney ne prend aucun risque. Voilà. Bah, on revient toujours à la situation initiale, en fait. Bah, merci à Faye pour ses news Star Wars, c'était cool. Et merci à Mathieu pour toute son encyclopédie et son savoir sur l'univers étendu de Star Wars. Et petit peu à Thomas aussi, quand même. Et un petit peu à Thomas, même si c'était pas très utile, hein, soyons d'accord. Merci. Et moi, je servais un peu à rien. Parce que moi aussi, j'ai rien dit pendant les news Star Wars, c'est pas grave. Bon, pour finir le podcast, on avait dit qu'on ferait un quiz, on le fera pas parce qu'on n'a pas le temps. Et La prochaine fois. Donc, alors, les reviews, vous les aurez en vidéo, ce sera plus intéressant, je pense. Ce sera pas plus intéressant, mais ce sera plus simple. Allez voir la chaîne de la Mika du Geek et allez voir la chaîne de Le Geek Chic. Merci. C'est le mail pour y avoir des trucs intéressants. On va. Et on va finir le podcast avec, la semaine prochaine, c'est Suicide Squad qui sort. Ouais. Et que le prochain podcast, c'est-à-dire dans 2 semaines, ce sera consacré un peu en grande partie à ce film. J'avais envie que tout le monde nous parle un peu de ses envies et de ses pas envies sur le film. Qui c'est qui commence? On va commencer par les filles parce qu'on est galant et elle va nous donner son avis. Je pense malheureusement qu'elle ne sera pas là pendant le podcast puisque non. Peut-être que mais je ferai une vidéo, je pense. On aura sûrement une vidéo. Ruby sera contente de parler de ce film. Voilà. Ouais, est-ce que tu veux nous donner? Est-ce que le film te tente un peu? Alors, pas du tout. J'ai dû voir une ou deux bandes annonces. La seule chose qui me tente, c'est qu'il y a Viola Davis, que j'adore parce que Off to Get Away with Murder, voilà. C'est tout. Le personnage secondaire qu'on verra. Mais je m'en fous, j'y vais que pour elle, si tu savais à quel point. Parce que le reste, je m'en fous. J'arrête les taux, j'attends de voir quand même ce qu'il va faire, mais voilà. Et Jay Courtney ? Je m'en fous. Ça te dit... Et puis... Ouais, et puis ce qui m'énerve... Ouais, Jay Courtney, il est systématiquement nul, mais là, il a l'air énorme. Là, il a l'air cool. Voilà. Il a l'air formidable. Mais moi, en fait, ce qui me donne pas envie... Franchement, dans Spartacus, il est bien. Dans la série Spartacus. Sinon, dans les autres films, c'est... il n'est pas terrible, mais dans la série Spartacus, il est bien. Et moi, je sais, par contre, ce qui me fait super peur, c'est comme je dis dans le podcast, merci, c'est qu'il y a trop de trailers et de bandes annonces. Et ça, c'est pas bon, quoi. Regarde, ça me fait penser à Avengers 2. C'est la même chose. On va passer à Mathieu ? Si, ouais. Alors moi, j'ai quand même du mal à pas être emballé par le film parce que ça a l'air très cool. Ça a l'air, pour une fois, une prise de risque un peu d'un gros studio qui nous présente une bande de tarés total dans une mission en freelance. J'ai toujours un peu peur de Will Smith qui tient un petit peu sa couverture à lui. Mais bon, les bandes annonces ont l'air assez équilibrées. Par contre, je rejoins là, un peu Faye sur son avis. C'est bon, il y en a une par jour. Mais d'un autre côté, je comprends un peu... Ouais, moi-même, il nous sortait des clips ou des trucs un peu spéciaux. Pendant... Mais bon, j'imagine que Warner veut se rassurer après le demi-échec de... Ouais, mais j'ai peur de la surenchère. J'espère qu'on n'a pas tout vu dans les trailers parce que c'est la maladie américaine. Ouais, on peut foutre un peu, voilà. Comme la promotion de The Amazing Spider-Man 2 qui était atroce. Ouais, ça c'est tout le c'est pas leur truc. Donc j'ai... Tu vois, Avengers 2, on avait 40 minutes du film. Ouais. Mais tout à bout, tous les trucs, on avait 40 minutes. Ouais, ils sont pas très très bons. Donc j'y vais avec beaucoup de crainte, mais il y a quand même moyen de se fendre la gueule. Ça a l'air quand même assez cool, quoi. Et on va passer à la caution cinéma du... Hello podcast. Petit Gilles, Tom. Tu l'as dit en intro. Moi, tu l'as pas redit, donc ce ne sera pas la caution cinéma. Bon. Les gens ne vont pas comprendre. Ouais, moi je suis très hypé par le film. Pareil, trop de bande annonce, je trouve. Mais après, c'est à chacun de la regarder ou pas. Hein. Enfin, voilà, moi, c'est que... ouais. Non plus, hein, j'ai pas regardé. Il que celles qui sont au ciné au final. Ouais, bah, voilà. Ouais, mais c'est ça. Mais après, c'est pas nouveau. Hein. Beaucoup de maisons de production ont bazardé plein de bandes annonces et c'est pas nouveau. Pour BVS, il y avait énormément aussi d'images. Hein, et pourtant, moi, je pense qu'il devrait prendre exemple sur Nolan qui balance peu de Inception, il y avait quoi, Christopher Nolan, c'est le meilleur. Avec son prochain film Dunkerque. Dunkerque. Mais j'espère avoir la bonne surprise et comme beaucoup le disent, pour moi ça va être un peu le Guardian of Galaxy de DC. Voilà. Le petit Thomas. Moi ce que j'attends le plus de Suicide Squad, même si je pense pas que ça va être le centre du film, c'est le Joker. C'est le Joker parce que je suis un grand fan du personnage du Joker. Et c'est la dernière interprétation de Heath Ledger était incroyable, elle a marqué tout le monde et je pense qu'elle restera encore marquée très très longtemps. Est-ce que vous pensez que s'il n'était pas mort, on en aurait autant parlé? Oui, c'est vraiment. Mais pour en revenir, j'ai très envie de voir ce que va donner Jared Leto, c'est un putain de défi qu'il a. Je pense que n'importe quelle interprétation du Joker peut être assez bonne parce que c'est un personnage multifacette et j'ai vraiment envie de voir quelle facette on va avoir du Joker cette fois-ci avec Jared Leto. Et contrairement à pas mal de gens, j'aime bien son design, les vêtements qu'il porte. On dirait que c'est un Joker plus moderne. Et c'est vraiment ce qui m'intéresse le plus, même plus qu'Harley Quinn. C'est vraiment le Joker dans Suicide Squad. Par rapport à ce Joker. Et t'en penses quoi, toi, déjà? T'attends quoi? Comment ça fait? Moi, c'est Warner. Hein. C'est DC, forcément. Moi, je suis très hypé, très hypé par ce film. Pas autant que Batman, quoique il y ait Batman dedans. Donc, j'y vais en me disant mais ça va forcément être bien. Oui. Donc voilà. Et ce sera forcément bien. Ce sera forcément bien. Enfin non, je suis quand même un peu plus objectif que ça, mais franchement. À moitié. Faire un signe de main en mode c'est pas sûr. Mais ouais, franchement, j'attends beaucoup ce film. J'ai vraiment fait exprès de voir peu de trailers. Et tout ce que j'ai vu pour l'instant, ça me hypait. J'aime bien le principe, j'aime bien les personnages qu'ils ont pris dedans. J'aime bien Margot Robbie qui était cool dans... Encore plus si... Ouais, même si le film est pas terrible, mais... Le film est marrant. Moi, j'ai pas trop... On va pas partir sur ouais. Mais non, moi, le film m'a plu bien. Et j'avais une petite théorie sur le Joker. Je sais pas si vous avez vu, il a plein de tatouages. Ouais. Est-ce que vous avez regardé spécifiquement chacun des tatouages? Oui, il y a l'oiseau qui pourrait être Robin, c'est ça? Ouais, il y a des traces comme quoi c'était les mêmes traces que sur le costume. Il y a les mêmes traces de balles que le costume a sur. Non, mais c'est. Je suis presque sûr que c'est Jason Todd ou genre Dick Grayson, genre. Génial. Mais ça serait une très bonne idée. Il y a un autre. Sur le hot toy, il y a un hot toy qui est sorti du truc. Une figurine pour ceux qui savent. Et en fait, voit qu'il a un pinson avec une flèche transpercée dedans. Et le pin, enfin non, un rouge-gorge avec une flèche transpercée. Et le rouge-gorge, c'est en fait en anglais, un rouge-gorge, ça se dit Robin. Ouais. Et c'est un peu le signe de. Mais c'est peut-être. Après, pour casser la théorie, ça peut être aussi peut-être un clin d'œil à un deuil dans la famille. Pour. Bah, on a vu qu'il a. Si Batman garde un costume comme ça, avec une marque. Ce qui est écrit, c'est qu'il y a une signification. C'est que, à mon avis, un Joker est. Et enfin, un Robin a dû clamser. Ouais, mais on voit le costume. Un truc qui m'a intéressé, je sais pas si vous avez vu ça, il y a une figurine Hot Toys en mode Batman, un peu Joker. Oui, ouais. Et il y en a mais un autre. C'est un spoil. C'est un spoil, ouais. Ok. Mais en tout cas, je me demande trop ce que c'est en fait. Ouais. Ça me pose beaucoup de questions là-dessus. Bon, bah, en tout cas, je suis très hypé par ce film. Et puis, je pense qu'on aura tout dit sur. On en reparlera dans 15 jours. Ouais. Pas trop, on aura détesté. Mais voilà. On remercie encore une fois la Game Taverne de nous avoir. Accueilli. C'était cool, c'était sympa. Au revoir. On vous dit au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. avant de conclure, vraiment. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver la chaîne YouTube de l'Amical du Geek. Donc, vous tapez Amical du Geek sur Facebook et sur YouTube. Vous pouvez retrouver sur Twitter aussi, Amical du Geek. Moi, vous pouvez me retrouver James, ADGMPT, je crois. C'est un truc comme ça. Vous tapez James Amical du Geek sur Twitter. Vous me trouverez bien. Vous pourrez retrouver. Le petit Thomas sur sa chaîne YouTube, le Geek Chic. Et voilà. Le et petit qui est plus grand que James en vrai. Et vrai, en YouTube. Et n'oubliez pas aussi que si vous êtes sur Montpellier et que vous aimez les comics, il y a toujours le groupe Facebook, le comics à Montpellier, que vous, le petit Gilles, Tom Tom et Aline. Donc, ouais, puis on recrute un peu de temps en temps pour se faire ouais, et d'avoir un peu de gens pour discuter comics, machin comme ça, c'est cool. Vous êtes de Montpellier, si vous êtes de Montpellier et que vous avez envie de discuter de comics avec nous, que vous aimez les comics, que vous aimez la culture comics, et bah venez sur le groupe, venez discuter avec nous, et puis si le contact passe bien, bah, vous viendrez dans les podcasts, et ce sera cool de discuter avec vous. Si vous êtes moi j'aimerais bien avoir plus de filles, donc si vous êtes une fille, c'est encore mieux. Désolé. Vous avez des barres, c'est pas vrai. Désolé. Bah, voilà, je pense que c'est tout. Vous avez un truc à rajouter pour finir? Regardez Stranger Things. Juste, je voulais rappeler que tu as une adresse mail si on veut contacter justement le petit Gilles, le petit Mathieu, par exemple. comicsdiscovery@gmail.com. Voilà, merci. Et moi, vous pouvez me retrouver sur la chaîne de l'Amical du Geek. Voilà, et vous pouvez venir me parler sur Twitter, @fefanel. Voilà. Et moi, vous me retrouvez nulle part. Sur Facebook, pour ceux qui veulent devenir mes amis, c'est Tom Tom. Voilà. Ce monsieur a comme flash, il a besoin d'être. I need a friend. Tu devrais faire un Twitter. Surtout si tu es Batman, viens me chercher, je pourrais t'aider. Tu devrais faire un Twitter avec marqué le petit Gilles. Rien à dire, bon, toi, on va dire Ouais. Voilà, non, nickel, c'était très agréable. Ouais. À la prochaine, merci. À jamais.